Choc Culture. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin sera avec nous pour sa chronique Déchiffrons le campus. On vous apprendra comment mieux vivre dans les instructions d'assemblage. L'assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 18 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hello, Stéphanie. Salut! Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. J'ai entendu dire que tu avais dormi cette nuit. J'ai dormi cette nuit pour la première fois depuis un bout. Je me suis couché à 9h15 hier, OK? Fait que là, je me suis dit, je vais budgéter mon temps. Demain matin, je vais me lever à 6h. Je vais avoir dormi un bon 8h30, même plus, je pense. Je me suis levé ce matin, j'ai pris ma douche, elle a super bien. J'ai préparé des chroniques. J'ai tout mis ça sur le site. J'arrive, j'ai oublié mon fil d'ordinateur. Je ne peux même pas ouvrir rien. Faut que je fasse ça sur le gros ordi de studio qui va m'arriver. Mais retourne chez vous. Ouais. Puis t'en reviendras plus tard. Ben oui, c'est comme la fois où j'avais oublié ma fenêtre ouverte chez nous. Je suis arrivé à la job. Je suis retourné chez nous. Je suis revenu, ça a pris 45 minutes, genre en tout, tu sais, pour rien, alors que ça me prend 9 minutes d'habitude, t'sais, venir à l'école. Ah, les gars. Donc, il y a des matins comme ça. Peut-être en vivez-vous un du même acabit, hein, si on veut. C'est ça, acabit? Ça a toujours été drôle comme mot. Que oui. Mm-hmm. As-tu écouté Un instant classique hier? Non, j'ai manqué. Ça en est un bon. Un instant classique, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans les palmarès C'est fou, les mercredis entre 14 et 17. On fait un résumé des meilleurs moments d'assemblage requis. C'est un petit montage de genre 9 minutes. On fait ça chaque semaine et c'est vraiment, vraiment drôle. Particulièrement celui de la semaine du 8 septembre qu'on a joué hier. Je te le conseille, c'est rempli de blagues sexuelles. C'est croche, c'est louche, ça n'a pas rapport. Parfait. C'est bien. On va aller écouter ça certainement. Voilà, ça va être sur assemblagerequis.com plus tard aujourd'hui. Donc, pour l'instant, le plan de l'émission d'aujourd'hui d'assemblage requis, Steph. Oui. En début d'émission, le jeudi, on a toujours Laurent Constantin qui vient nous parler d'actualité sur le campus. On appelle ça Déchiffrons le campus. Aouh! Ça va être dans les prochains instants. On va aussi faire Sex Mess, ça devrait pas, on l'a. On a des restants d'hier. Parfait. Qui valent la peine. On va faire ça juste après. Je savais, les restants pour Mathieu. Toujours les restants pour Mathieu. En fait, je pense que c'est le titre de l'épisode d'hier. Oui. Et les restants pour Mathieu. Ensuite, les instructions d'assemblage et ta chronique à toi, le poste d'écoute. Oui. Ça va être fantastique comme émission. Mais pour l'instant, tu nous as choisi, toi, quelque chose pour débuter notre émission. Oui. Là, c'est loin. In-flight safety. Et la pièce, c'est Animals. Donc, j'ai découvert ça en fouillant. Pour le poste d'écoute. Ça n'a pas fait le poste d'écoute? Non, mais... parce que j'ai juste aimé celle-là. Ah! Mais à la première écoute. C'est ça. C'est même ça marche, le poste d'écoute. Mm-hmm. Hein? Lost in the wilderness. In-Flight Safety avec sa pièce Animals, assemblage requis. Waouh, hein, c'est-tu bon? Ça devrait, ça passe là, le poste d'écoute, ça va directement au palmarès. C'est direct. Fou. Je pense, on le propose en tout cas. Merci Steph pour cette suggestion. Express, sans escale. Ouais. Maintenant, c'est l'heure de parler de vraies affaires du campus. Des vraies grosses nouvelles du campus. Tu sais, des grosses nouvelles. C'est des chiffrons, le campus. Salut Laurent Constantin! Bonjour Mathieu Plante, hey, merci beaucoup pour l'imitation de ma voix ce matin. Non, du tout, t'es arrivé avec un petit peu la voix rauque, je pense. Tu ne dois pas être levé depuis énormément longtemps. Non, et quand la nuit est de plus en plus courte, la voix est de plus en plus rauque. Ah, et les poils te poussent sur les mains. C'est ça, c'était la pleine lune ce soir. C'est ça, je pense. Contre-coup du loup-garourisme. Loup-garourisme? Non, enfin, il y a vraiment un autre mot pour ça. Loup-garouping, peut-être? Lycanthropie, ah, merci beaucoup. Je préférais loup-garoupisme. Oui. Parce qu'il y a pas à la fin de... J'espère que t'as pas de bijoux en argent ce matin. Brillant. Non, je suis pauvre, c'est tout en plastique. Ah, bon, d'accord. Il n'y a aucun souci. Avec un aérosol, c'est ça, on peut faire des miracles. Donc, Laurent Constantin, des chiffrons campus, c'est là qu'on parle des actualités, de ce qui se passe sur le campus et ce qui rayonne à l'extérieur du campus, mais en lien avec le campus toujours, hein? C'est ça le nom? Hein? C'est tout à fait ça, sauf qu'aujourd'hui, ce ne sera pas nécessairement de l'actualité du campus, ça va peut-être... On m'a dit de ne pas chialer sur les gens qui ne suivent pas leur concept parce que c'est pas ma chronique, c'est la leur. Steph, me dirait arrête de leur dire qu'ils suivent non, pas leur concept. Non, mais ça commence avec une certaine anecdote sur le campus. Okay. Et ensuite, on va comme extrapoler. Oh, exponentiel. Ben, parfait. Mm-hmm. Donc, ça commence comme suit. Ben là, je vais quand même vous le dire, je vais vous parler des médias écrits, de l'évolution, de l'avenir des médias écrits au Québec et à travers le monde avec la numérisation, toutes ces choses-là. Donc, la semaine dernière, j'étais sur Facebook. Ouais, je dis Facebook à radio, c'est fou, là, je l'assume. Et là, un de mes amis me partage un très bon article de La Presse. Maintenant, c'était comme La Presse Plus. Oh, ouais. Fait que là, tu cliques sur le lien de La Presse Plus. C'est pas vraiment adapté à ton ordinateur. C'est fait pour l'iPad, cette histoire-là. C'est pas oui, fait c'est ça, c'est fait pour l'iPad. Sur l'ordinateur, la résolution est pas très bonne, donc... Tu peux lire, mais avec un peu de difficulté. Là. C'est, il y a moins de plaisir. C'est un peu pénible, c'est ça. C'est des gros caractères, mais qui sont à moitié flous parce que c'est pas fait pour ton écran. Oh, ouais. Et il m'envoie, c'est ça, La Presse Plus, Pierre Foglia. Je parle encore là, mais Pierre Foglia qui écrit un article sur l'éducation. Ça m'a l'air intéressant, moi qui est intéressé par toutes les choses à propos de l'éducation. Et là, il dit dans son article, je vous réfère à une excellente revue qui se nomme Liberté, une revue que je connaissais pas, mais pourtant j'ai appris que c'était une revue qui existait depuis presque aussi longtemps que la revue Zone Libre. OK. Désolé de ne pas connaître la référence non plus. Qui était une revue qui avait été fondée par Pierre-Luc Trudeau. OK. Dont René Lévesque avait contribué aussi, là, avec Jean Marchand. Okay. Réputé, donc. Les Trois Colombes. Mm-hmm. Et ben c'est ça, c'était comme un peu le pendant souverainiste de l'époque dans le terme de revue. Donc, je dis, une belle revue, il dit, c'est une revue qui vaut la peine, même si elle coûte 12 $. Étant étudiant, je me dis, 12 $, je sais pas si je peux débourser ça, même si le sujet m'intéresse vraiment. Je vais aller voir sur le site internet. Il y a sûrement des articles en ligne, là. Maintenant, tout est sur Internet. T'as pas le choix, ben oui. Je vais sur le site internet et, oh, comble de malheur. Cette revue n'est pas en ligne, c'est vraiment juste la page première, ça veut dire la page couverture qui est sur leur site internet en disant mais voici nos points de vente. On faisait ça dans le temps sur le campus aussi. Les autres campus, c'était comme ça avant, c'était juste la une puis il n'y a pas d'article. Oh. Puis ça a changé, parce qu'il faut avancer des fois, t'as pas le choix. Mais eux sont restés sur avancer. Donc là, je me dis, c'est quoi ça? On est en 2014 puis encore des magazines là, qu'il faut acheter là, 100% dans les, les boutiques, là, les librairies. Non. Ça marche pas vraiment de même. Là. Je vais vraiment devoir dépenser de l'argent pour acheter de la culture. Franchement, non, tout est gratuit. Non, on va le savoir plus tard dans mon article. Là, même le Journal de Montréal exige que l'on paie maintenant pour voir ses articles en ligne. Mm-hmm. Ça, c'est ça. Je reviens à mon histoire présente. Donc, les points de vente. Ah, point de vente, la coop ici à l'UQTR vend ce dit magazine Liberté. Je l'avais jamais vu. Donc, je me rends à la coop. J'étais à l'université ce jour-là. Je me promène dans la coop. Je cherche où est le fameux kiosque à journaux et à revues. Il est toujours à côté de la caisse. Ouais. On passe la caisse, mm-hmm. Il est à la gauche. Plus petit qu'il était pas mal. Hein? Plus petit qu'il était pas mal. Je le cherche. Parce que c'est la rentrée qu'ils ont remplacé ça par des cahiers Canada ou des agendas ou tout plein d'autres matériels scolaires pour finalement aller voir la commis au fond de la coop et lui demander « Excusez, madame, où sont les revues et les journaux? » Pardon, les quoi? Et elle me répond « Ah, on n'en a plus. Hein? On n'en a plus du tout. Hein? » C'est une choc, là. Il n'y a plus ça. Donc, hein? On n'a plus de revues à la librairie de l'université. Ouais. Ah, ben, merci, merci. Merci pour rien, Panda. Ben, c'est ça. Fait que, donc, j'étais fortement étonné, mais comment ça se fait qu'on n'a plus de revues dans les librairies? Je me suis dit, en plus, c'est la coop, ça nous appartient à les membres. C'est fait pour enseigner aussi, en plus, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr, bon, c'est pas nécessairement un but lucratif. Ben, d'une certaine façon, oui, mais c'est une coopérative, je me suis dit. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de revues et de journaux? Au moins, envoyez-les à la bibliothèque. Au pire, si on peut les acheter à la bibliothèque, si on peut plus place à coop, parce que c'est quand même assez petit, quand même, la coop. Oui, c'est quand même petit. J'avoue que tu veux peut-être garder ce territoire-là pour des cahiers Canada, là. Mais vous, est-ce que vous avez acheté ça, des fois, des journaux? Des revues? Des revues, oui. Des revues aussi, des fois. Plus rarement qu'avant. Avant, j'étais vraiment fidèle à plusieurs magazines. Là, je suis fidèle à plusieurs magazines. T'es revenu à ouais, devine des magazines de quoi? Je vais deviner un magazine de cuisine. Oui. Oh. Avec Ricardo. Ricardo. Je peux-tu y nommer? 15 minutes patente. 5-15. Le magazine de Zest. OK. Ah. Mais c'est tout des abonnements. C'est pas des magazines que t'achètes à chaque fois que ça. Elle les achète, je pense. Ben, je suis abonné à Ricardo. Les autres, je les achète quand les sujets m'intéressent. Est-ce que tu les achètes dans un libraire ou une grande tabagie ou plutôt chez Métro, l'épicier? Je les achète à l'épicerie. Ah, c'est ça. Mais non, mais souvent, il y a le magazine... Alors, j'ai oublié le nom. Un petit magazine de science qui est très bien vulgarisé pour le commun des mortels. Les jeunes débrouillards. Science tabarnak. C'est bien vulgarisé. Non, science tabarnak. Peut-être Québec Science, tout simplement. Ça se peut, pour vrai, j'ai oui. Carrément oublié le nom. Mais ça, tu trouves pas ça à l'épicerie, là. Ouais, c'est sûr. Mais bon, mon point, on n'était pas vraiment au fait que, de juger quelles sont tes lectures. Est-ce qu'elles sont nobles ou est-ce qu'elles sont dites vulgaires? Ça avait un ton jugement, mais c'était non. Pas ça que tu voulais. Non, pas du tout. C'est simplement justement la survie d'une tabagie. Là, ouais. pas simplement pour acheter du tabac, mais finalement pour acheter genre, un paquet de journaux, revues. Des modèles réduits et autres feux d'artifice. Qui est tout le temps une petite place dans les librairies pour acheter... Ouais, belle référence au centre du hobby. Oui, bonjour à eux. C'est là qu'il y en a le plus. Qui vend plus de téléguidé que finalement de revues. Ben c'est ça. Mais ça, c'est une tabagie qui a du succès. Là. Ça a grandi de surface récemment. Oui, puis quand même, ça marche bien. Et je pense que les gens achètent quand même leur magazine là. Tu sais, moi, quand j'avais des magazines à acheter, ils étaient seulement disponibles là. C'était trop, trop spécifique comme magazine. En dehors de la disparition, c'est ça, des kiosques à journaux dans les librairies, on peut parler tout simplement de la disparition des journaux papier. Oui. Vous vous rappelez sûrement la mort du Boire Mauricie. Tellement. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui vont sur Internet consulter Boire Mauricie? Pour aller voir. Peut-être des fois pour les dates de spectacle. Oui, peut-être d'y un aller. Peu. C'est intéressant quand il y avait du papier, on pouvait vraiment être touché. Il y a vraiment des gens qui travaillaient là-dessus. Là. Des chroniqueurs passionnés qui travaillaient dans ce journal-là. Y a des gens qui sont rendus dans d'autres médias qui ont commencé. Là. C'était pas Richard Martineau qui était dans le Voir à un moment donné? Oui, c'est lui un de ceux qui est parti. Ouais. Mais moi, je pensais que tu allais dire ils ont sombré dans l'enfer de la drogue. Mais ils sont vraiment sur Internet? Hein? Ils sont vraiment sur Internet? Oui, ils sont sur Internet, mais il n'y a plus autant de contenu original. Non, c'est ça. Parce que quand je tombais dessus, je le feuilletais, je le lisais, je trouvais ça agréable. Ouais. Mais de là à prendre le temps d'aller sur Internet pour aller le lire, non. Et le Voir, en général, dans l'opinion publique, disons-là, a perdu beaucoup de son lustre. Mm-hmm. Même le Voir Montréal, là, c'est peut-être beaucoup moins culturel que c'était, plus... presse opinion. C'est grand public, pas mal. Hein? Oui. Ouais, c'est ça. Et même leur émission de télé, ils ont essayé de ramener Voir à la télé comme ça allait être la prochaine extension et l'évolution du Voir. Puis ça a été un flop, ça aussi. Ça revient à part le guide Voir Resto, c'est là, vrai, mais qui est à peine. Ça a à peine rapport avec Voir, à part de mettre le nom dessus. Non, un jour, quand le Voir journal va mourir, ça va juste devenir le guide Resto, puis le nom du poste qui va le passer dessus. Là. Oui. C'est, ça n'a pas de lien avec le Voir, donc ça. T'as bien raison. On peut parler aussi de l'écho de Trois-Rivières qui va disparaître version papier. Je me demande encore s'il y a vraiment des gens qui vont aller sur Internet pour consulter l'écho. T'sais, on a l'écho, l'hebdo, on a le Nouvelliste, on a... Le Zone Campus. Le Zone Campus. Je sais pas si au Cap-de-la-Madeleine, il y a d'autres, d'autres petits médias hebdomadaires, mais il y a quand même une bonne charge. C'est ça. L'écho de Trois-Rivières, c'est un de ces médias qui appartenait à Québécois. Ouais. Comme les échos d'un peu partout, et qui avait vendu à Transcontinental. C'était comme la filière Sun Media qui avait complètement vendu. Et là, ben, Transcontinental, j'imagine qu'ils se sont dit « C'est pas assez rentable, on va faire du numérique, on va passer au numérique. » Est-ce que les gens, pour un hebdomadaire local, vont passer au numérique aussi, vont les suivre? On peut en douter aussi. Mm-hmm, vraiment fort. À plus petite échelle, il y a le journal En Tête, de l'UQTR, qui est en version papier de jusqu'en 2009, je crois, environ. Ça se peut, ouais, c'est quand même, ça commence à être lointain un peu. On s'en rappelle plus, on dirait qu'il y avait une version papier de ça. C'est oui, c'est ça. Maintenant, c'est juste les petites nouvelles sur le site de l'UQTR ou le portail étudiant, c'est aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, allez le lire sur En Tête. Qu'est-ce qu'En Tête? Qu'est-ce qu'En Tête? Et pourquoi est-ce que j'irais là? Oui. Le lien que tu cliques pour voir la nouvelle plus en détail, là, mais... pour apprendre que les ingénieurs ont été champions au Baja. Non, c'est important. C'est ça, c'est important pour eux et leurs amis. Pour le reste, c'est comme, ben oui, OK, parfait, cool, next. C'est ça. Et on se rappelle aussi, c'était au printemps, il y avait une conférence de presse de Power Corporation qui dit, il faut aller plus dans le numérique. On a fait de la presse plus. Peut-être qu'on envisage... fermer la version papier de la presse, de ne plus imprimer. Et on leur a demandé, et pour les médias régionaux, comme le Nouvelliste, qu'est-ce qu'il y en a? Ah, ben, il faudrait réorganiser nos activités aussi et peut-être envisager de fermer la version papier. Il y a eu un sacré tollé autour de cette nouvelle en se disant un peu comme, ben, j'imagine Le Voir ou l'Écho. Est-ce que vous êtes déjà allé sur le site de la presse? Si vous êtes déjà... ben, OK... Il n'y avait comme pas de questions, fait qu'il n'y a pas vraiment une nouvelle là, de réponse. Êtes-vous déjà allé sur le site de la presse? Oui. Oui, oui, nous, oui. Est-ce que vous avez déjà essayé d'aller sur le Nouvelliste? Oui. Ben, en fait, j'ai plus cherché sur Google le Nouvelliste de la presse, oui. Hein? Puis là, ça tombait dessus. Mais sinon, sur le site de la presse, c'est obscur. Il faut défiler jusqu'en bas de la page, cliquer sur nos régions. Oui. Trois-Rivières, le Nouvelliste. Et ensuite, okay. On a une page qui manque un peu de cohérence. Oui. Qui manque un peu... les sections, l'archivage, ça fait un petit peu mal aussi. Donc, si on veut chercher un article en particulier, ils sont pas tout le temps là. Donc, si vraiment Power Corporation, ou du moins Jessica, veut passer le Nouvelliste au numérique, il va avoir quand même beaucoup de travail à faire. Peut-être même plus que faire le Nouvelliste Plus, là, regarder un site internet. Sûrement dans la presse plus, il va y avoir des sections avec les logos, j'imagine, des journaux à côté de l'autre qui vont être en évidence en haut de la page. J'ose espérer que ça va être aussi important les nouvelles locales que les nouvelles internationales. Parce que c'est la raison que les gens aiment la presse plus, c'est que c'est justement de tout pour tous. Mm-hmm. C'est très, très large. Donc, si tu inclus les nouvelles locales là-dedans et que tu sais que tu peux sélectionner dans tes options de la presse plus sur iPad, moi, ma région, c'est la Mauricie, donc je veux le Nouvelliste. Tu ne montres aucune autre nouvelle du soleil ou rien. C'est seulement la presse en général et le Nouvelliste, tout ça mis ensemble. Je pense pas que tu as vraiment même différencié l'utilisation. Je me demande si tu as besoin de différencier avec le Nouvelliste. Une bonne question. Est-ce que c'est juste ta localité même qui pourrait être détectée par GPS à la limite? Ça. Encore là, dans Nouvelliste édition papier, on le voit, il y a quand même beaucoup d'articles qui viennent de l'extérieur, que ce soit la presse du soleil, ou le soleil, ça. Pour ratisser un petit peu plus large. Mais je comprends quand même les gens qui travaillent au Nouvelliste et amis d'être inquiets de la numérisation de ce média-là en se disant que peut-être si on numérise tout, peut-être moins d'employés qui vont vraiment couvrir les nouvelles locales et que ce soit plus du monde de Montréal ou Québec qui viennent à Trois-Rivières lorsque certains événements importants. Présentement, c'est surtout ça. J'en entends parler un petit peu, le fait que, entre autres, le montage des pages du Nouvelliste ou quelque chose comme ça, là, je raconte un peu n'importe quoi, c'est sûrement pas exactement ça, mais ils sont montés à Montréal et doivent appeler les journalistes de Trois-Rivières. C'est ça, tu voulais-tu dire ça? C'est ceux qui corrigent les, okay. Qui arrangent les textes, des trucs comme ça, c'est déjà... un peu centralisé. C'est ça. Ceux qui vont le plus perdre leur emploi, me dit-on, c'est les gens qui montent des journaux, donc un peu ce qu'ils appellent les... Il y a un nom pour ça. Les pupitreurs. Les pupitreurs, c'est ça. Je cherchais bureau. Les pupitreurs. Apparemment, je fais du pupitreur pour le zone campus, moi. Bon. Mais apparemment, c'est eux qui vont plus perdre leur job. Donc, genre, les gens comme moi qui placent les trucs dans un journal n'ont pas un grand futur là-dedans. Bref, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. Donc, c'était juste pour dire, si on passe une nouvelle liste, peut-être qu'on risque la mort de ça. Le Devoir, aussi, Le Devoir qui affiche des difficultés financières cette année. C'est un quotidien qui a eu 100 ans et qui s'affiche beaucoup fier de son indépendance. Son indépendance, oui. Justement, fait pas partie d'une grande entreprise, que ce soit Power Corp ou Québécois. Une indépendance aussi d'esprit, du fait que, bon, on peut lire le Devoir et sentir que c'est de gauche. Des fois, sentir que c'est de droite. Que ce soit nationaliste, que ce soit souverainiste, que ce soit même fédéraliste. Que ce soit juste fâchant parce qu'on se sent conforté dans nos opinions des fois quand on lit le Nouvelliste. Et finalement, ben, on se fait avoir par un éditorial qui nous fâche. Donc, c'est peut-être la beauté du Devoir. Oui, c'est très intellectuel. Ça, il faut se le dire. Mais c'est leur fierté, justement, de pousser la nouvelle, d'avoir des articles de fond, d'aller... voir où est-ce que d'autres médias n'iront pas. Mmh. Et Le Devoir qui affiche des difficultés financières, parce que j'imagine c'est ça, il y a moins de publicité dans ce quotidien-là que par exemple dans le Journal de Montréal ou La Presse, et est sur le point de lancer une application mobile. Et Le Devoir, oui, a besoin d'une application mobile, parce qu'en ce moment, aller sur leur site Internet mobile, c'est un peu fastidieux, c'est un peu plus difficile de s'y trouver. Donc, Le Devoir, c'est un passage au numérique qui va devoir être fait, mais je crois que, comme le Nouvelliste, si on perd l'édition papier du Devoir, il y a beaucoup de gens que ça va affecter. Les gens aiment toucher au journal, c'est ça. Aiment s'approprier ça. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on va perdre tous ces médias papier-là? Il y en a beaucoup qui parlent d'écologie, que c'est beaucoup de papier, justement. Qu'on gaspille en imprimant autant de journaux, ben c'est pas tant gaspillé s'il est consommé, s'il est lu d'un bord à l'autre. Et recyclé, c'est ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de journaux qui vont se faire sur papier recyclé à l'avenir. Donc, est-ce qu'on peut peut-être imaginer la même chose avec les médias parlés? Est-ce que la radio va quitter les ondes AM, FM un jour? AM, c'est pratiquement mort. Est-ce que vous connaissez une station AM? Des stations Montréal de sport, entre autres, et de nouvelles et de trafic, je pense. Il y a de ça. Mais c'est ça, il y avait une radio sport, c'est cassé. C'est vrai, c'est mort, c'est cassé, j'avais oublié. C'est cassé maintenant, c'est plus du sport, c'est seulement pour le trafic. Mm-hmm. Donc, c'est la station que j'ai en mémoire dans mon... dans ma voiture et que j'écoute quand j'approche l'île de Montréal avec tant de peur. Non, je viens de la région, donc c'est juste parce que je sais qu'est-ce qui se passe à Montréal, donc je connais les heures. Il y a pas des petites radios genre multiculturelles, quelque chose, il n'y en a pas encore sur le AM? Probablement, mais c'est ça, c'est plus vraiment des radios qui vont être tant écoutées, c'est beaucoup dans le communautaire, c'est ça. Donc le FM, c'est ce qui pogne encore. Il y a beaucoup de gens encore qui écoutent le FM. Mais avec l'arrivée des radios satellites, mais ça, c'est un radio Internet. Tellement longtemps, ça ne marchera jamais. Payer pour une radio, pour une station en particulier même, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Il y a Jeff Fillion qui avait essayé ça. Ben, je pense que ça a fonctionné parce que c'était la personnalité de Jeff Fillion qui avait perdu son micro. Mais... Même chose pour... Ben, pas même chose parce qu'il n'a pas perdu son micro, mais Howard Stern aux États-Unis fonctionne bien sur SiriusXM. Donc, quand même, il y a des chaînes à succès. Les gens qui sont fans de ces personnalités-là vont être prêts à payer. Des fois, ça peut être 10 Puis d'acheter la radio satellite. L'appareil. Oui, c'est ça, l'appareil. C'est ça. Mais sinon, ça marche pas. Puis, tu sais, quand tu considères que tu payes le même prix ou plus cher que Netflix pour de la radio satellite sans image, c'est un peu cher. Pour avoir parlé à des camionneurs, ils apprécient vraiment ça, qu'ils peuvent écouter vraiment la radio qu'ils préfèrent partout. Où est-ce qu'ils sont? Ils n'ont pas à rechercher tout le temps la fréquence qu'ils veulent écouter. Puis c'est ça, il y a beaucoup de variétés quand même. C'est comme un peu des chaînes un peu comme à la galaxie. Là, c'est très similaire. Niveau, là. C'est mais avec beaucoup plus de pubs, par contre, sur Sirius XM. Je l'ai essayé, j'ai fait l'essai cet été. Ça m'intéressait, il y avait une émission de radio, okay. Entre autres, il y avait Howard Stern que j'écoutais un petit peu, mais quand même. J'ai fait l'essai de 2 semaines, et puis j'ai trouvé que les pubs, c'était insupportable. Il y avait des 6 minutes de pub, et tu sais, je veux dire, la radio commerciale fait mm-hmm. ça, puis ça me tape ses nerfs. Fait que pourquoi est-ce que je paierais vraiment cher par mois pour avoir le même nombre de pubs ou plus? C'est vrai que c'est étrange, ça. Vraiment, tu payes pour... C'est tout le temps les mêmes autopromos pour d'autres chaînes de SiriusXM, tu sais. Mais bon. Sur ça, ben, j'ai toujours pas acheté ma revue à 12$, la revue non. Liberté portant sur les dossiers d'éducation. Je vais peut-être devoir aller chez Archambault acheter ça ou au Centre du Hobby. On verra oui, la, oui. Tabagie, la tabagie du hobby. On verra pourrait ça. Peut-être se cotiser. Hein, si tout le monde met un petit peu d'argent... Pour t'éduquer, tu vas pouvoir venir nous éduquer ensuite. Ouais, c'est le fun, ça. Je pourrais l'amener ici, j'écrirais mon nom marqueur noir sur la revue, mais je pourrais vous la prêter. Bon, mais tout le monde, ceux qui veulent avoir plus d'informations, on vient porter un petit 50 sous à Laurent au studio. Ah oui. Puis si tout le monde met un peu de son grain de sel, on pourra avoir la revue. Mais de belles contributions volontaires. Tellement qu'on a plein de styles musicaux assez fous, on pourrait se permettre de charger 12$ par mois. T'sais, parce qu'il y en a pour ouais. du blues, il y en a pour du jazz, il y en a pour du métal. SiriusXM, là, puis c'est fou, même combat. Laurent Constantin, on te retrouve jeudi prochain, 7h30, pour notre chronique oui. Déchiffrons le campus. Merci beaucoup, Mathieu Plante. Merci, là. Toujours l'assemblage requis. On écoute Mozart Sister. Voici Enjoy. Ça, c'est fou. Enjoy. Comme enjoyer si t'acher les mains sur un journal. T'sais. J'enjoy ça. Moza Sister, c'est la sœur de l'autre, avec Enjoy, assemblage avec qui. Au retour, on fait ça existe, mais ça devrait pas là. On va s'acheter des gadgets inutiles. C'est les étudiants, on sait, ça cherche un 12$ entre les coussins du divan. Là. Fait que vous chercherez ça plus le shipping. Genre, ah. Dans les coussins. Donnez aux pauvres. Donnez à nos auditeurs. Faites des dons pour 1-800. C'est fou. Manque de chiffres. Par la pub! Par la pub! Par la pub! Yeah! C'est Rouge Pompier! Fou de choses geek! Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 99. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a gardé Laurent Constantin, il se fait un petit peu loin de son micro, mais s'il veut parler, il peut. Il est là. T'sais, ça, c'est lui qui rit à l'arrière. Ouais, mon rire est toujours présent. Il fait des... Super là. Donc, constamment, quand il dort. Constamment, Constantin. Ce nom-là, il a été vraiment parfait comme nom de crâner, mais bon, personne ne le veut. Je ne vais pas y forcer. Ce qui nous amène à acheter des choses. Tantôt, on a parlé de, est-ce que vous allez continuer d'acheter du journaux? Est-ce que vous allez continuer d'acheter de la radio, peut-être? Être public site de notre radio campus de Trois-Rivières. Donc, on va acheter d'autres affaires sur Internet. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Aujourd'hui, les délais sont particulièrement intenses, je trouve, on dirait, dans la genre partir les affaires. T'sais. Il y a un délai vraiment marqué là, sur l'intro, tu sais, qu'elle part pas. Ben, c'est un peu... Ouais. C'est pas ta sclérose en plaques qui fait en sorte que t'as des délais dans tes mouvements. Ben, wow, c'est... Parce que c'est... Je pensais pas que c'était une émission en neige. <là. rire> C'est mis à dos la majorité de notre public, c'est-à-dire les gens qui ont la sclérose en plaques et qui sont forcés à rester cloués au lit. Ils sont obligés de nous écouter, ils ne peuvent pas se lever ou changer de poste. Les rosés qui se lèvent tôt. Désolé. Donc, se lever tôt pour nous écouter et pour acheter des choses, parce qu'il faut être rapide sur la gâchette des fois pour acheter certains de ces articles en quantité limitée. Par exemple, les amis, la saison du football est en plein... ça a lieu ça pas mal là, hein, ça, le ballon-pied. C'est ballon-pied, maintenant? Ouais. Ballon-pied. Donc, pour ceux qui veulent faire un genre de... Tu sais, d'un gate, tailgate party, on appelle ça de même? Ouais! Yeah. Des barbecues de parking! Des barbecues de parking, des grilles de stationnement, ou comme vous le voulez. Donc, c'est le Instagate. Passez moins de temps à mettre vos affaires dans dans votre valise, puis amener ça comme un paquet d'affaires à amener pour faire un tailgate. À la place, amener ce kit dans une boîte, c'est le Instagate Tailgate in a Box. Donc, mettez ça dans votre valise, ça comprend un grill, les outils pour griller des affaires, un cooler, des ustensiles, des verres, des assiettes, serviettes de table, condiments, sac à poubelle jetable. Ben, j'imagine, ils sont jetables. Ben, d'accord, c'est oui, nouveau, oui. Je pense. As-tu besoin d'une boule sur ta voiture pour amener ça ou ça rentre vraiment dans une valise? Non, ça doit se plier, ça. Oui, c'est ça, ça se plie. Ça a tellement l'air d'un carton comme, ben, on va se le dire, un peu cheap, là, oui. Que d'après moi, ça doit même pas être si haut que ça, en plus, ce soir-là, ça a l'air... Non, d'après moi, faut que tu sois en Indien, par terre. En Indien. T'as rien de raciste, là. En Amérindien, quoi. Fait en boîte à pizza, là. Ben, oh, ça a l'air à ça. Ouais. Pas mal, le carton est parfait pour, ouais, pour est-ce ça. Ouais, est-ce que c'est sécuritaire, un grill en carton? Sûrement pas. J'imagine que ça doit être protégé d'une certaine façon avec, on voit du petit, y a du papier d'aluminium. Aluminium. Genre, aluminium foil. Aluminium foil. La tonne de... T'as pas vu ça, la tonne? Quoi? Weird Al Yankovic a fait une parodie de Royal par Jordy, j'ai 4 ans et je suis grand. Tu sais, là, Lord. Ouais. Ben, il a fait... Aluminum foil de Royal. T'as pas vu ça? Ben non. C'est une parenthèse dans une chronique. Ça n'a aucun rapport, mais tu vas voir ça. Toi aussi? Ouais, je vais aller voir ça. Vous autres aussi à la maison? Vous autres aussi? Ben ouais. Donc, pas nécessaire. Il y a aussi un ouvre-bouteille et un briquet. Incroyable. Briquet, bonne idée. Tout à fait, pour mettre le feu là-dedans, c'est sûr. Donc, la boîte se déplie pour former trois petites plateformes sur les côtés là, pour avoir votre place, pour mettre vos assiettes et tout. Et vous pouvez même, si vous voulez, remplacer ça, c'est la fonctionnalité de mettre des assiettes là, par une place où jouer au beer pong assis. Oh! Inclus, ça vient avec. C'est malade, okay, hein? C'est assis. Malade. Non, assis. Et le gars au barbecue peut faire l'arbitre, peut jouer le rôle de l'arbitre. Exactement. Flip une boulette, décide les affaires du beer pong, oui. Flip une boulette. C'est parfait. Donc, 39$ chez Kickstarter pour l'instant. C'est pas, vous savez, Kickstarter n'est pas un magasin. On donne de l'argent pour espérer que le produit ait assez d'argent pour être fabriqué un jour. Si on y va en ce moment même sur Kickstarter, on est à 25 771 sur un but de 25 000. Donc, ça a dépassé d'un tout petit peu. Ah, j'ai hâte de voir ça sur le marché. C'est, ce qui est bien, c'est que une fois que tu manques de briquettes, tu peux juste sacrer le feu à la boîte et tu as encore du combustible. C'est donc un bon investissement. Hein? Oui. C'est un bon investissement. Ensuite, allons-y avec notre prochain gadget. En fait, c'est pas vraiment un gadget, c'est des meubles. C'est des meubles intérieurs, extérieurs. Ça a l'air bien normal. Donc, des chaises, tables faites de ciment moulé. Mais chaque morceau de meuble a quelque chose de particulier. C'est qu'il y a des plantes qui poussent dedans. Chacun de ces meubles a une petite, un petit endroit avec des plantes vivantes. Ben là, on dirait que c'est moisi. En effet. Non, parce que ça va pousser. Là, ça va pousser, ça va pousser tout le temps. C'est une table en ciment, ça doit pas être léger. Non, t'attends pas de là une fois qu'elle est là. Hein? C'est ça. Puis tu sais, ça va accueillir des mendiants probablement aussi. Ils vont se coucher comme sur un banc de parc. Hein? La table avec le petit arbre qui pousse dans le milieu, oui, oui. Là, t'as comme une vitre en forme de beigne. Oui. T'as un arbre qui pousse dans le milieu. Ça, c'est le fun. Si tu manges là, ils tombent des feuilles à l'automne dans ton assiette, puis ça attire les bibites. Fait que si tu manges à l'extérieur, t'as tout le temps plus de bibites dans la face. J'avoue, c'est bien trop vrai. Mais ce qui est mignon quand même, c'est que la terre est couverte d'un genre de petit. Tu sais, l'affaire qui ressemble à du gazon vert, là, pour que ça... Mousse, du lichen. Mousse. Ouais. Exact. C'est quand même bien. Et t'as d'autres styles aussi. Si tu veux pas voir les racines, il y a un style que le milieu est plus recouvert un petit peu plus pour pas que tu vois la terre et la mousse. C'est ça. Donc, bref, allez voir ça. Il y a une petite chaise longue aussi pour se faire bronzer. Sur la chaise longue, il y a 3 roulettes en dessous de chaque patte. C'est super laid. Pourquoi les roulettes, donc? Ben, pour le changer de place, j'imagine, parce que ça doit peser une tonne. Ah, ben oui. Sauf que c'est vraiment laid, les petites roulettes, là. Et ça, le shipping là-dessus, là, du ciment, là, t'imagines? Ah, mon Dieu, mais j'imagine que t'envoies le kit pour le mouler toi-même mouler chez vous. Mouler sur place. Ouais. Ah, ça doit être ça. Donc, les morceaux sont faits à la main de ciment poli pour avoir un petit fini doux. Les matériaux sont durables, résistants à la température. J'espère bien, c'est du ciment, on va se dire. Parfait pour l'intérieur ou l'extérieur. J'imagine pas un 3e-4e étage ou le plancher qui aiderait pas pour ça, quoi. Ah mon Dieu, mais imagine tes amis. Ouais, je déménage, j'ai des chaises en ciment. ouais. Ciment, vas-tu vous démêler? Ciment, c'est comme un jeu, j'ai le mot avec. Ciment, vas-tu vous démêler? C'était un joke de la petite vie, ça. C'était de bonne gamme, hein? Ça va être le genre de choses qui va se faire au Timé Show à Radio-Canada en janvier 2015. C'est le talk show de... Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est le genre de blague plate. Donc voilà, c'est fait par la compagnie Opiary qui est basée dans le New Jersey. Ensuite... on a parlé hier ou dans la plus récente chronique, c'est que ça devrait pas, là, d'un truc pour transporter de la bière. Tu te rappelles-tu, c'était quoi? C'était dans une valise. Dans une valise comme au banquier. C'était 6 bières de tête de bêche. Là. Tête bêche. Donc, c'est le goulot contre... c'était un 69 de bouteille de bière. Ouais. D'accord. Dans ce cas-ci, c'est une manière de remplacer votre boîte de carton par quelque chose un petit peu, juste un petit peu au-dessus de ça. OK. Donc, c'est une boîte en bois. OK. On dirait un vieux coffre à outils. Un vieux coffre à outils, un vieux truc pour transporter les bouteilles de lait. Ah oui! Donc, on peut se faire une caisse de dégustation, mais faut acheter la caisse. Qui va acheter une caisse en bois comme ça? Qui va acheter une caisse en bois? Qui va acheter seulement un pack de 6 bières? C'est pas assez. Aussi. Franchement. C'est beau? C'est beau. C'est le Wooden Six Pack Beer Tote. Très cher, mais très nécessaire pour les gens qui veulent monter d'une coche avec leur petite bière, le hipster. Donc, vous pouvez vous procurer ça sur Amazon en ce moment pour le ba-ba-ba-ba prix. Ba-ba-ba-ba prix de 47$. Voilà. Il manque juste une attache, peut-être, pour le mettre sur notre vélo, tu sais. Ah, j'avoue, mais ça, il y en avait un l'autre fois en cuir, hein? Il y avait un petit sport en cuirette pour amener son six-pack, en fait. Je reçois une chronique spéciale avec toutes les façons de transporter votre bière en même temps. Ben oui. Mais bref, il y a une petite poignée de métal là, comme à la boîte à lunch de métal. Et tout ça est disponible sur... c'est fait à la main, en fait, de San Francisco. C'est disponible sur Amazon. Ensuite de ça, on continue avec une façon de tenir vos lunettes de soleil. Oui, c'est vraiment affreux. Vraiment, vraiment, vraiment affreux. Mais bon, il y a du potentiel derrière l'idée parce que c'est un morceau de silicone, une bande de silicone, c'est le Lens Friend. On va expliquer, ça ressemble à un nœud papillon avec d'un côté... Ben oui, la forme est nœud papillon, là. Non. Ben oui. Oui, c'est oui, un carré aplati dans le milieu, c'est un nœud papillon, on va se le dire. Ok, et... ok, oui, ça dans le milieu avec une espèce d'anneau bizarre autour d'un côté. Et un anneau autour du côté, c'est exact. Et l'anneau a des petites encoches, des petites places pour mettre la broche de ta lunette. Mais la particularité de ce silicone-là, évidemment, c'est pliable, du silicone, c'est qu'on peut refermer le tout ensemble et ça va venir snapper avec un aimant sur ton vêtement. Donc tu vas mettre ça et tu vas pouvoir mettre ta lunette dans une des boucles et tenir après ça. Et tu peux faire ça avec tes écouteurs, tu peux faire ça avec plein d'autres choses et la gripper après ta chemise, ton collet, ton sac à dos, peu importe. Donc quand même, l'idée est super bonne. Ouais, c'est pratique, mais c'est plate que ce soit aussi laid. C'est affreux, là. C'est un design de base, il n'y a aucune recherche derrière ce design-là. Là. C'est orange. C'est orange. Oui, mais ça ne déforme pas le collet. Non, il y a ça. Il y a des avantages, mais tu l'as aussi en bleu et tu l'as aussi en beige. Bon. Fait que tu sais, trois couleurs vraiment pas belles. Pourquoi pas en noir? Genre, mettons, genre, le plus on le voit pas possible. Tu sais, mettons. Ouais. Tu sais, en blanc et en noir. Genre. Tu sais. Mais bon, eux, c'est pas leur avis. Ils aiment les petites couleurs trop tardantes. Donc, Lens Friend, c'est ça, c'est disponible. Ça va pas graffiner rien. Pas de lunettes graffinées, pas de rien du tout. Et c'est disponible. Ah, attends un peu. Je me reprends parce qu'à la fin, à la toute fin de l'article, ça dit que c'est disponible en noir. Donc, on l'a le noir ivoire qui est, j'imagine, blanc, mais non, beaucoup trop fancy. Tant qu'à appeler blanc non, ivoire. Ivoire, c'est pas totalement blanc. Non, c'est un blanc coquille d'œuf, mettons. Non, c'est ivoire. Non, mais c'est la même affaire, non? Non, il y a des nuances. Un blanc cassé. Mais ça peut pas être ça, okay. C'est déjà une autre couleur. T'as raison, t'as raison. Un bleu pâle, un rouge et un bleu royal. 13$ sur le site de Lens Friend. Chaque ou l'ensemble? Ça dit seulement 12,99. J'imagine que c'est chaque. On peut aller voir. C'est cher. Mais il y a 20% sur votre commande au complet si vous commandez maintenant. Ben, mon Dieu! C'est un seul pour 13$, c'est confirmé. Bon. Ensuite, le Move Pack. C'est un skateboard électrique mélangé avec un sac à dos. Donc, quand vous allez à un endroit, là, vous devez transporter votre sac à dos et là, ça vous déséquilibre complètement. Arrive le Move Pack, qui est un hybride entre les deux. Donc, le sac à dos est inclus sur la planche et c'est électrique. Donc, ça résout votre problème. Ça vous rend, ça vous emmène à votre travail ou peu importe où vous avez à aller. C'est bizarre parce que ça dit à 15 000 à l'heure comme vitesse, mais c'est que ça peut faire 9 km sur une seule charge. Donc, décide, t'es-tu du bord des 1000, t'es-tu du bord des kilomètres? Bon. Donc, ça vient avec une télécommande sans fil, avec des options donc tactiles pour contrôler la vitesse, les freins et le reculon. Ça dit que c'est tellement facile qu'on peut monter sur la planche et en devenir maître en dedans de 10 minutes. Oh! Mais dans le fond, c'est comme le sac d'école du petit Kenny. C'est le moyen de transport oui, futur du petit Kenny. Mm-hmm. Voilà, dans le remake qu'ils vont faire, j'imagine, en 2016 de Kenny, il va avoir ça comme moyen de transport. Kenny à l'école. Kenny à l'école. Fils de Kenny. La revanche de Kenny. À l'affiche bientôt. Donc, le Move Pack portatif pliable. En plus, on peut donc mettre la planche dans le sac à dos. C'est pas magnifique, ça. Mais en fait, il est déjà comme intégré. Tu fais juste mettre ton sac debout et comme peser dessus et la planche rentre à l'intérieur. OK, OK, j'ai pas donc, vu la vidéo. C'est vraiment super simple. Ben, génial. Est-ce que ça vaut 1190$? Non. Il y a quand même une petite manette, là. Oui, oui, ben une petite manette, là. C'est pas juste ça, c'est 1000$, là. Juste ça. c'est présentement à... Oh, attends un peu, il reste encore 21 jours. C'est un choix de l'équipe de Kickstarter en ce moment. Donc, c'est en vedette sur la page. Et ils sont à 43 000 sur 100 000. Mais il reste encore, comme je disais, 3 semaines. Donc, ça pourrait facilement se rendre. Ouais, ouais. D'après moi, ça va se rendre. Il y a un minimum de 1$ à donner. Mais évidemment, vous ne recevez rien pour ouais. ça. Mais chaque dollar compte. On continue avec un ouvre-bouteille de vin électrique. J'imagine que c'est super commun. Moi, je ne l'avais pas vu encore. Oui. C'est super commun, mais bref. J'ai acheté un à mon beau-frère il y a à peu près 4 ans. En appuyant sur un bouton, ça va commencer à tirer rapidement et de façon efficace pour ouvrir votre bouteille de vin préférée à 38,50$. C'est seulement fait pour les bouteilles de vin. Là. Aucune autre. Ouais, c'est un tire-bouchon. Mais pas ça sur un twist-off, là. Pas ça à ton ami Jean Twist-off. Hein? Ça enlève la virilité de la chose, là. Je vais t'ouvrir une bouteille de vin. Oh, mais t'as le bon effet sonore au moins. Donc, si tu peux rester viril en faisant l'effet sonore que ça... Oui, oui. Mais c'est tellement simple d'ouvrir une bouteille de vin. Oui. Et voilà. 40$ pour ça. Ensuite, flotter vers un état de relaxation complète en utilisant ce Flotation Assisting Cap. C'est un genre de chapeau. Donc, on va dire, oui, c'est un masculin. Un chapeau qui assiste à la flottaison, donc qui vous aide à flotter. Une fois que vous avez mis ce petit chapeau-là, moi, je dirais plus un bonnet même, ça va faire flotter votre tête sans que vous ayez à vraiment faire d'efforts. Et ça va vous permettre de juste flotter et relaxer dans l'eau pour 85$ sans bouger aucun muscle. Il aurait fallu ça pour tous les passagers du Titanic. Oui. Il aurait relaxé au moins. Mais en fait, moi, pas de chapeau, j'ai l'air de ça dans l'eau. Je flotte allègrement. Je peux faire l'étoile sans effort. Un vrai œuf. Encore pourri. Bon, c'est non, pourri. C'est le contraire. Pourri. Un vrai poisson mort, ça que ça veut dire. Une vraie. Non, une patate, ça cale. Qu'est-ce qui flotte? Un poisson mort! C'est ça, un poisson mort. Steph, des fois, je pense que c'est plus vers toi que je vais viser ces affaires-là. Tu tripes sur des affaires qui se mangent, mais qui ont aussi une autre utilité. Ça. Oui, comme par exemple, hier... Attends un peu, j'ai des images. Moi aussi! Okay, mes petites culottes présentes. Hier, j'ai mangé un Kinder Surprise. Yeah. C'était bon, puis dedans, il y avait un ptérodactyle. Wow! C'est t'as pas pu le manger parce qu'il était en plastique. Hein. Mais non, c'est ça. C'est ça. Mais imagine si tu joues au Lego et qu'après avoir fait une petite maison, un petit ourson en Lego, tu pouvais manger tes blocs. Mmh. Oui, c'est vrai. Donc, construisez-vous votre collation ultime avec les Edible Chocolate Lego Bricks. C'est des Lego grandeur format collation, qu'on pourrait dire. C'est des vrais Lego? C'est fait par Lego? C'est écrit Lego sur le petit rond? Attends, tu peux, on va aller voir. C'est sur Beyonce.net. Ça me paye cher pour avoir ça. D'après moi, c'est quelqu'un qui a mis le logo sans la permission. Mm-hmm. Oh. Ça aurait peut-être coûté moins cher si ça avait été écrit Megabloc. Megabloc, la limitation. Probablement. Mais bon, bah, ça coûte. C'est ça, ça coûte. Est-ce que ça coûte un prix? On veut savoir ce que ça coûte. J'imagine qu'il faut que tu construises quand même assez vite parce que sinon ça fond dans tes doigts. Puis là, les formes, ils marchent plus. Tu peux plus les assembler. Ouais. Je vois malheureusement pas de prix. C'est peut-être. Ah, c'est marqué en bas, tout le temps en bas de la page source. C'est peut-être marqué pas à vendre. Oh. Le gars l'a fait pour lui-même avec, j'imagine, des moules ou quelque chose comme ça. C'est dommage, hein. Pourquoi on m'offre ça sur le site This Is Why I'm Broke qui est genre c'est pour ça que je suis pauvre? Ça veut dire que tu peux l'acheter, ça, traître. En tout cas, bref. On devrait s'en faire. Ben oui. Tout simplement. Puis de chaque couleur, avec différents, peut-être du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat très foncé, du chocolat aux fraises. Mais oui, mais ouais, là, il y a du rose, là. Fait que tu veux du chocolat blanc avec du colorant, tout simplement. Sinon, reprendre les moules des meubles en ciment pour faire des meubles en chocolat. Oui, mais il n'y aurait pas de moisissure. Mais on a déjà vu ça, une salle de bain en chocolat. Il y avait ça. Un bain en chocolat, une toilette en chocolat, un évier en chocolat. Un peu dégueu, mais ça existe. Tout se fait, tout se fait. Confusion sur le brun dans la salle de bain. confusion ici aussi sur l'utilité de ça. Et en fait, ça s'appelle... C'est ça. Ça me laisse perplexe. Tout le monde voit à l'avance. C'est le Yummycom. Hein? Yummycom. c'est le manufacturier en fait dit de vérifier avec votre docteur à l'avance. La raison, c'est que c'est supposé être une pilule, okay, que tu prends et qui va rendre ton viendu, hein, plus délicieux. Ben, c'était pas mal ça que j'avais pensé. Je pensais que tu me donnerais une autre utilité, là, mais c'est non, vraiment ça. C'est vraiment juste ça. Et là, tu vas voir ton docteur, tu lui demandes est-ce que je peux prendre ça pour rendre mon viendu plus délicieux. Là, c'est gênant. C'est un peu gênant. À saveur de bubblegum. J'aimerais, justement, bon point, est-ce qu'on peut savoir les saveurs qui sont offertes pour ces produits-là? Ça doit juste le rendre plus sucré, là. Ça doit pas c'est donner une saveur en particulier. Parce que, déjà, c'est prouvé que selon ton alimentation... Les ananas, entre autres. Le goût va changer. Ouais. Donc, tu ne manges pas d'asperges. Non. Tu manges des ananas. C'est ça. Et voilà. Oh, un petit doigt. On se voit de liqueur. Donc, ça s'appelle Better Flavor Taste Sperm Semen Man Milk Cum Oral Sex. C'est beaucoup trop de mots. Yummycum, 29,95$ plus 15,45$ de shipping. Les frais d'envoi. C'est quand même... Je suis curieux. C'est quelque chose, hein? Ça méritait sa place dans le chronique. Ah oh oui, ben oui. Ouais. Ensuite, tu veux faire... Bon matin, c'est ça. Bon déjeuner. Je choisis pas les objets pour leur utilité, mais plus pour ce que ça donne comme commentaire. Ensuite, tu veux faire des exercices, mais dans l'eau, Steph. C'est tout c'est connu. Oui. Des fois, c'est plus facile pour les articulations, peut-être. Peut-être. Il y a plein d'avantages. Donc, maximisez l'efficacité de votre cardio, votre exercice cardio, en faisant ça dans l'eau avec l'Aquatic Treadmill, qui vous aide à rester, évidemment, au froid. Ben, tu sais, au froid, pas autant chaud. Mais vous n'avez pas sué au frais. Tu l'as pas sué. Oui, tu sues, mais... Ben oui, ouais, mais tu le sens pas, t'es déjà dans l'eau. C'est ça. Et pour tous les fans d'Aquaform, c'est formidable. C'est Aquaformidable, oui. On pourrait dire. Mais on le dira pas. Ça fait vraiment bas de gamme comme jeu de mots. Donc, ça fait des exercices à faible impact. Et ça voilà, utilise... les articulations. Exact. Et ça utilise votre corps au complet pour brûler plus de calories en moins de temps. Ça, ou aller sur la lune, j'imagine, pourrait être une autre... 1295$ pour l'Aquatic Treadmill. Ce qui n'est pas vraiment plus cher qu'un autre... Oui. Mais moins cher qu'un voyage dans l'espace. Oui. En fait, ça, ça a pas l'air... ben, c'est sûr, c'est pas électrique pantoute, là. Faut vraiment... J'espère que non. Non, c'est parce que c'est ça, c'est la différence avec un autre tapis. C'est que celui-là, tu dois toi-même pousser le tapis. Ouais. Fait que déjà, ça demande plus d'effort qu'un tapis qui roule tout seul. Ça, c'est pas le fait que t'es dans l'eau, c'est le fait que tu fais toute la job pour la machine, mais que t'as payé 1300$. C'est ça. Ensuite, ça là. Tu sais, je parle souvent que le Mathieu Pancho, c'est l'émission de la fierté geek. Combiner la fierté geek avec la fierté gay, clairement, avec ce cover, cette couverture, ce truc qu'on met sur son clavier de MacBook. C'est le MacBook Rainbow Keyboard Cover. C'est en arc-en-ciel, mais vraiment très, très arc-en-ciel, très, très néon et tout ça. Et ça, c'est imprimé sur du silicone très, très mince. Et c'est fait pour protéger de la poussière et des renversements qui pourraient arriver. Oh. Peut-être si tu utilises ton Yummycom près de ton MacBook, tu vas pouvoir protéger l'intérieur de ton MacBook. En fait, c'est bien, c'est que c'est couleur arc-en-ciel, mais arc-en-ciel pastel. Hein, c'est du pastel, rose. Moi, j'appellerais ça néon plus que pastel. Pastel, c'est plus pâle, non? Ben, en fait, c'est juste pour dire que c'est pas vraiment les couleurs traditionnelles de l'arc-en-ciel. Là, parce que c'est rose, jaune, vert, bleu, mauve, ça revient au rose. Oui. C'est très années 90. Tous les génériques de Zap, là, genre, puis de... Radio Enfer, exactement. Ça coûte 6,95$. Comme j'ai dit, en silicone mince, donc ça devrait... ça permet à votre portable de fermer quand même. Ah, mais ben, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. S'il y a d'autres couleurs... ce serait cool. Non, celle-là. Oui. Ensuite, c'est le Skydrop. Tu sais, arroser son terrain. Ouais. Tout le temps que tu décides, bon, là, OK, je vais aller partir mes sprinklers. Ah. Parce que c'est le sprinkler de le partir. C'est le sprinkler de le partir. Donc, Skydrop est donc un contrôleur intelligent qui se connecte à votre système de sprinkler en utilisant du Wi-Fi. Ça va mesurer les conditions du sol de votre cour, bon, avec l'humidité, la température, le vent. OK, puis il y a un œil magique, quand ta belle-mère passe, ça part, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, la radiation solaire et les pentes de votre terrain, tout ça, et c'est hyper localisé à la météo de votre localité précise. Oh. Donc, il y a un horaire qu'on va utiliser, ça va conserver l'eau et l'argent en empêchant de rajouter trop d'eau. Et le Skydrop fonctionne avec la plupart des systèmes de sprinklers d'arroseurs déjà existants. Vous avez juste à remplacer le contrôleur à distance. Tout ça est fait facilement en dedans de 10 minutes. Une fois installé, vous pouvez gérer votre contrôleur Skydrop en utilisant le contrôleur lui-même, qui peut être monté sur un mur ou votre ordinateur. Donc il est monté sur votre mur. Ou encore, vous utilisez alternativement votre ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire. La phrase était formulée autrement. Donc le Skydrop Sprinkler Controller est au prix de $299, disponible chez skydrop.com. C'est génial ça, en plus de sauver de l'énergie, du temps. C'est écologique parce que ça sait quand arroser, quand ça n'a pas besoin. Oui. Je pense que la ville de Montréal, en plus de leur compteur d'eau, devrait utiliser ça pour leur parc. Ce serait mieux. Oui. Hein? Ce serait mieux que la métropole. Avoir des belles soumissions, des beaux contrats pour le Sprinkler Learner. Skydrop. Et en plus, t'as l'air de vivre des Jetsons en 2152, genre. Parce que ça fait futuriste. Je sais pas à quelle époque se passent les Jetsons. Est-ce que la voiture peut monter... Est-ce que la maison peut monter quelques kilomètres dans les airs si jamais il y a de la pluie pour être au soleil? Bonne idée. Ouais. Ce serait ça la prochaine étape, je pense. Oui, un petit lift, là, un cric sur un kilomètre. Un cric à la maison. Ensuite, si vous êtes une femme à chat ou un homme à chat, mais ici le collin pour les femmes. Ou une folle au chat. Une folle au chat, c'est le terme qu'on utilise en français. Ouais, terme médical. Parfait, terme médical, on a le droit de le dire. Ça est pénis. Donc, montrez au monde que vous aimez votre famille de félins avec le Crazy Cat Lady Family Care Sticker. C'est fait à la main, c'est en vinyle, disponible en différentes couleurs pour pouvoir fièrement montrer votre amour pour vos chats. Donc, on voit évidemment une petite fille comme dans les célèbres autocollants familiaux que tout le monde a. Ah, littéralement. Littéralement, je pense à accepter. Moi, je veux la version Star Wars. Mais hein, n'importe quelle autre version que l'original, clairement. Mais celle-là avec donc des chats. Et il y a même différentes grosseurs de chats. Oh, il y a des petits chats. Il n'y a pas de chats obèses. Non, il n'y a pas de chat. C'est pas super représentatif, là. Je peux même pas l'utiliser. C'est des grossistes. Ils sont contre les gros, comme des racistes. Ah, OK. Je pensais que tu parlais de Costco. Merci. C'est un grossiste. $13 et le prix. Voilà. Ensuite, Zenitime, tout est rendu intelligent, là. Tu sais, les respirations intelligentes, c'est la prochaine étape après les montres intelligentes, les toilettes intelligentes qui masquent l'odeur de votre pet. Ici, c'est le Zenitime. Donc, votre respiration, donc le rythme La profondeur de la respiration, le temps que vous prenez entre les respirations, va dire beaucoup de choses sur votre état de sentimental et votre émotion, votre cerveau et tout ça, comment vous vous sentez. OK, c'est un peu comme les bijoux qui donnent ton humeur, mais en plus scientifique. Je vais aller une petite coche au-dessus de ça, là, mais ah ouais? Quand même. Okay. Donc, ça va. Vous allez remarquer peut-être que si vous êtes stressé ou anxieux, peu importe, angoissé, vous allez prendre des petites respirations courtes. Et si vous êtes vraiment plus calme, vous allez prendre de grandes et longues respirations. On se comprend là-dessus? Oui. Donc, respirer correctement peut améliorer votre bien-être. Et c'est ce que Zenitime veut faire. L'application va donc s'accoupler avec un petit dongle de la grosseur d'une poque de hockey, de rondelle. Donc, via Bluetooth, ça va surveiller votre respiration, votre battement de cœur, votre oxygène dans le sang, etc., etc. Et l'application va ensuite vous montrer vos statistiques et va vous donner des trucs et des récompenses par rapport à vos résultats. Ah! Il va vous montrer comment mieux respirer. Zenitime, donc, ça se vend 99$ et c'est disponible en précommande pour 79$. C'est donc bien intéressant, ça. Pour pépantoute. Zenitime, Z-E-N-Y, Time. Pas besoin d'expliquer Time. Ensuite, vous le connaissez comme Times New Roman, mais sans laisse. OK, je pensais que tu parlais du magazine de maternité. T-H-Y, mais j'avoue, t'as raison. Voilà! Il gâche tout. Eh, bon. Donc, ensuite, Stéphanie, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Y a-tu de l'alcool? Y a pas d'alcool, y a des bananes! Oh! Yeah, ça fait le même effet sur Stéphanie. Hey! Quoi? Sais-tu quoi? Quoi? Dans un quiz hier, il demandait quel était le fruit le plus mangé sur la planète. C'était la guerre des clans. Il disait... non, pas du tout. Le fruit, ça, c'était la guerre des clans? Le fruit, la guerre des clans. Non, et il disait de la variété Cavendish. Okay. Et grâce à toi, dans une de tes chroniques, j'ai su, je me suis rappelé que la Cavendish était une banane. Oui, donc juste des frites. Donc, j'ai eu la réponse. Oui. Et ça, c'était grâce à toi. Parce que tu m'apprends des choses sur les bananes. Merci de prouver mon utilité pour un quiz. Ben oui. Voilà. Quel quiz? Je suis curieux. Fric au frigo. À Zest. Il y a un quiz qui s'appelle Fric au frigo. Ouais, c'est super dégueu comme intro et même l'animateur, c'est juste moyen, là. Non, mais explique-moi le concept. Est-ce que c'est avec Alexandre Barrette? Non. Parce qu'il est partout dans tous les quiz. Non, c'est Pascal Morissette qui se promène avec un espèce de... Tu sais, les vélos avec les gros trucs de crème molle en avant. Là. Ouais. Puis là, il se promène à Montréal avec ça. Et là, il y a des gens qui arrivent. « Salut, je te prendrai une petite crème molle. » Et lui de dire « Non, désolé, je n'ai pas de crème glacée, mais je peux t'offrir du frico frigo. » Et moment malaisant avec une espèce de petit bruit étrange. Mais c'est des questions, 10 questions. Sur la bouffe, la cuisine en général. Donc moi, je suis super interpellée par ça. Est-ce que c'est comme une marionnette qui est dans le frigo qui pose les questions? C'est parfait! Oh oui! Non! Oh, OK, d'accord. C'est une livre de beurre avec une petite bouche. Tu mets des petits googly eyes dessus, là, tout le temps. C'est l'intro de Soupe Opéra, là. Soupe Opéra! Soupe Opéra! Ça, je trouvais ça horrible, ça. On vient d'inventer un tout nouveau concept. Ah, malade! Là, c'est fou, un quiz, là, assez fou, là. Mettons, on pourrait appeler ça le cheese quiz qu'on faisait l'année passée, puis qu'on fait plus. Il n'y a jamais assez de monde! Jamais assez de monde. De ces temps-ci, c'est... J'ai jamais pu venir. OK, on t'invite au prochain Cheese Quiz. Oui, on pourrait se réessayer. OK. On a Laurent qui est game. Voilà. Ouais. Et après ça, on pourra dire... Il a remporté la victoire! Laurent, il a remporté... On a présenté ça à la fin. Génial. À la fin. Un gars qui se longtemps. Va falloir que tu gagnes en passant. Oui, parce qu'on aimerait vraiment ça le dire. Il a remporté l'échec. Tu sais, ça sonne moins bien. Ouais. Je vais essayer de venir et de gagner. Donc, finalement, les bananes. Les bananes. Transforme tes bananes en piano, toi. Oui, prends ton panier de bananes et transforme-les en piano pour faire piano-panier. Ouais. Donc, si vous avez déjà voulu jouer du piano avec des bananes ou n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais presque, c'est le... Moi, ça pourrait-tu être des tomates? Des affaires qui conduisent l'électricité. Donc, le citron, des pièces de monnaie, des plantes, des gens, un truc comme ça. Du ketchup? Ben, je suis pas sûr de ce qu'ils disent dans l'exemple. Fait que je me demandais si c'était des jokes, fait que je l'ai pas lu. Je me demande si ça rentre. Oh, de la pâte à modeler, ouais. Un poisson, je sais pas. Un poisson. Oh, jouer de la truite. Mais t'as juste une chance à chaque poisson. C'est après ça, il meurt chacun. C'est à cause du poisson. Ben oui, mais là, faut que tu sois mort. À la base? Comment tu veux toucher tes notes? Ton bain lugubre. Mais ils vont être électrocutés de toute façon. Des petites crevettes. Des petites crevettes. Jumbo. Ils vont être électrocutés de toute façon s'ils conduisent l'électricité. Je te traite quand même de psychopathe, là. C'est pas moi qui ai dit poisson, c'est Laurent. Je suis très de psychopathe, Laurent. Ben là, tu sais, on aime tous jouer avec notre nourriture, là, mais on n'a pas parlé de quel type de nourriture. C'est ça. Puis là, le gars qui veut sauver les poissons, mais qui mange des fish and chips quand il y en a un cafétéria. Fait que, tu sais, avec de la sauce tartare, tu sais. En tout cas, c'est bon. C'est drôle d'accusation. Donc, expérimentez avec ce que vous voulez. Avec ce courant électrique, c'est une petite plaquette qui ressemble à une manette de NES, pour vrai, une manette de Nintendo. Ah oui, hein? On branche le fil dessus sur chacune des prises. Ben, en fait, on le branche pas, on pince. Hein? Comme si tu voulais booster ta banane. Comme si tu voulais booster ta banane. Là, je fais la technique de je répète la phrase d'avant pour pouvoir lire la phrase d'après, pour pouvoir la lire après ça. Donc, tu mets tes petites pinces sur l'objet que tu vas utiliser comme touche de piano. Les fils vont se rendre au microcontrôleur, au petit circuit qui va ensuite se brancher dans un ordinateur. Ensuite, tu vas pouvoir squeezer la banane ou peu importe ce que tu utilises. Un RCR sur la banane. Un RCR, oui, c'est ça. Sur le rythme de Stay Alive. C'est ça le rythme qu'il faut suivre, hein? Stay Alive. Pour les réanimations cardiaques. Coudon, personne n'a vu cette vidéo-là? Ah oui, tout le monde a vu ça. Juste que personne réagit. J'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est pas grave. Donc, tu squeezes l'affaire que tu veux. Pas besoin de le chier, c'est juste plug and play, tout ça. Et même le circuit est super cute. Regardez-le, en rouge. Ah, qu'il est beau. Ça fonctionne comme un clavier aussi, si vous voulez. Vous pouvez utiliser votre banane pour peut-être les flèches de votre clavier, mettons, au bas, gauche, droite, chacune banane. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Tu peux jouer à Minecraft, bâtard. Tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est voilà. Fou. Cliquez pour aller trouver plus de renseignements. Mais c'est makeymakey.com/how-to. MAKEY.com/how-to. Génial. Ouais, j'aimerais ça pouvoir te jouer la vache la maillotte avec ça. Ah, j'aimerais ça aussi. Sur hammackerschlemmer.com, c'est la compagnie Hammacker Schlemmer. Ça coûte $50. Ah, oh. Banane non incluse. Ben, bien sûr, mais ça, c'est combien la banane, hein, Steph, professionnel de la banane? Ça dépend, là. 60 mécènes le kilo ou la livre, je sais plus. La livre. La livre. Ouais. 60 mécènes la livre. Parfait. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Yeah. Tous les produits sur assemblagerequis.com comme tout le reste des notes de l'émission. On est rendu à prendre une pause, même qu'on a fait une longue chronique aujourd'hui. J'aime ça, j'avais moins de liens que d'habitude. On a fait plus de temps parce qu'on était trois, puis c'était fun. On revient dans deux instants avec une autre chronique comme les instructions d'assemblage. Deux instants. Comptez-les. Un instant et deux instants. On revient. Hop. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Requis. Non, c'est pas vrai, on revient. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. C'est quel délai aujourd'hui? Regarde ça le délai. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis. C'est votre émission matinale en pièces détachées. Une émission qui prend, elle aussi, des fois, son temps à se réveiller. L'ordinateur fait comme « Ah, ton intro, là, laisse-moi la préparer. Je vais en partir quand je vais être prêt. Ouais. » 5 minutes encore, Snow! Relax! Snooze! Bon, Stéphanie Paradis. Tu plantes? Oui. Dans quelques instants, on va vous apprendre comment mieux vivre dans les instructions d'assemblage. Mais avant ça, une chanson de Horror and the Clock! Ouais! C'est bon, c'est Belly Button, tout de suite, sur C'est Fou, 89.1 FM. Mais tu sais, évidemment... Si l'ordinateur dit qu'il prend son temps, le lecteur CD va aussi prendre son temps parce qu'ils sont tout en train de se chicaner, les deux. Ah ouais? Ouais, fait qu'elle va partir quand il va être prêt. Oh, parfait. Ouais. On prend notre temps. On est relax. On est zen. Après le aouh, le tantôt, ça va être aouh. Every day, she's drawing her stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. Reckless, blind and juggling. She's young but begs to be older. She's living high and drunk, rock and roll. Tequila, blankets and packs of Marlboros. Done it all. She ain't got tears to cry. She's exhausted and weak. desperation seizing her. The suitcase full and too heavy to carry. Painkillers don't kill pain anymore. And I say no. No, you won't go. Yeah, I say no. Bon, Orange O'Clock et la pièce Belly Button. Buton. Maintenant, on parle de choses à faire pour mieux faire ses affaires. Dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Hey! C'est ça! Écoute-nous, voyons-nous. À chaque semaine, on dit comment faire pour que ça marche dans ta vie. Bon. Commençons à notre chronique Instructions d'assemblage. En fait, les instructions d'assemblage, ça fait partie du nom. Hein. C'est notre chronique où on apprend des choses. Par exemple, comment repasser ses vêtements avec le dessous d'un chaudron chaud. Hein, si t'as pas encore de fer à repasser, que tu veux pas te permettre de faire passer, peut-être que t'es étudiant, peut-être que t'as de la misère à te permettre de faire passer, ça peut arriver. Donc, le chaudron, truc, c'est de pas repasser ses vêtements. Ben, il y a ça, mais des fois, quand on collait, on fait des zigzags, puis c'est pas beau. Ça arrive, là, ça arrive vraiment. Donc, sur le blog Stylecaster, on nous suggère de repasser nos vêtements en utilisant un chaudron de métal qu'on aurait juste laissé bouillir de l'eau dedans sur le fourneau, sur le poêle. Super simple, remplir un petit peu d'eau, là, pas besoin d'en mettre trop non plus. Parce que le but, c'est vraiment de réchauffer le dessous du chaudron. C'est pas obligé d'être un chaudron plein. Alors, on utilise ça comme on ferait avec un fer à repasser. C'est super simple. Tu peux même, si tu veux, vider l'eau pour pas faire de dégâts d'eau chaude partout. Tu peux vider ton eau à l'évier. Tu prends carrément le dessous de ton chaudron pour repasser. Donc, il y avait l'eau, tu l'as fait bouillir. Donc, parce que tu peux pas juste faire bouillir ton chaudron, c'est pas bon pour le chaudron. Non. Donc, tu mets de l'eau dedans et après ça, quand tu as terminé avec la bouillitude, la bouillaison, tu vides ton eau et ensuite tu te sers de tout ça. C'est super simple et en plus, c'est quand même facile à contrôler. Tu peux utiliser une bouteille de spray pour envoyer juste un petit peu d'eau sur tes vêtements avant de repasser. Ça va mieux quand c'est un petit peu humide, nous dit-on. Parce que, évidemment, ton fer passé va laisser sortir de l'eau en vapeur par les trous. C'est l'idée de la chose, je pense que vous le savez. Mais le chaudron, étrangement, n'a pas de trou pour laisser envoyer de la vapeur. Non, avec... Tu peux pas. Détrompez-vous, il n'y a mais, pas de chaudron à se pousser. Étant donné que tu peux pas vraiment mettre de l'eau bouillante dans une petite bouteille en plastique, tu peux peut-être passer ton vêtement au-dessus de la vapeur avant de le repasser. Magnifique. Ce serait pas pire, ça? Moi, je pense que ça a du sens. C'est pas dit dans l'article, mais ça a du sens, à mon avis. Voilà. Si ça a du sens pour toi, qui est la fille qui est tout le temps contre tout ce que je dis, c'est que ça doit être correct. Ensuite, avant de partir, pour nettoyer votre liste de choses à faire, on a souvent une liste de choses à faire qui est vraiment très, très longue et souvent, Colin, on se rend pas jusqu'à la fin. On nous suggère donc de vider votre liste de choses à faire en travaillant comme si vous étiez à veille de vous en aller en vacances. Tu sais, quand tu t'en vas en vacances, tu claires ta liste le plus rapidement possible, mais tu fais ta job correctement quand même. Ben oui. Tu t'assures de bien terminer ça et après ça, tu t'en vas et t'es soulagé. Donc, faites un peu la même chose dans votre journée. Faites comme si vous en allez, retournez à la maison est presque votre récompense, si on veut, pouvoir aller regarder la TV, jouer à des jeux vidéo. Donc, pensez comme si c'était une mini-vacances à chaque soir. Vous allez vouloir vous dépêcher pour bien finir votre job et que personne n'ait rien à dire contre votre travail. C'est comme une deadline qu'on se met. Évidemment, c'est sûr que ça peut devenir un petit peu stressant de faire comme si vous alliez en vacances sans vraiment avoir la vacance. Donc, donnez-vous peut-être d'autres récompenses. On pourrait se le dire une fois par semaine? Oui, une fois par semaine, peut-être justement, des fois les gens finissent leur semaine le jeudi après-midi ou le vendredi, dépendant des gens, et on travaille plus fort des fois pour pouvoir se permettre d'avoir notre fin de semaine plus longue, peut-être finir plutôt le vendredi. Ou ouais. Juste avoir la tête vide. Voilà. Ne pas penser au travail à la maison, c'est la meilleure des choses. Je dis tout le temps aussi, laissez votre agenda à votre travail. Si vous pouvez vous le permettre. Si, ouais, si seulement aussi, voyons, si vous avez seulement les trucs de votre travail dans votre agenda. C'est ça, si vous avez votre... Moi, personnellement, je vous dirais de séparer un agenda pour la vie personnelle et un agenda pour la vie professionnelle pour pas mêler les deux. J'ai tellement rien dans mon agenda en général que deux agendas, ce serait du gaspillage. Ben, ajoute à ton agenda d'avoir des choses à ajouter à ton agenda. Je sais pas ce que ça veut dire. Mettez-vous de côté un petit bloc de 15 minutes par jour dévoué à l'amélioration de votre propre personne. OK. Pour pouvoir vraiment bien gérer votre vie, c'est un blog de finances personnelles, That and the Girl, qui explique que 15 minutes, c'est quelque chose que presque tout le monde a dans sa journée. On a au moins un 15 minutes à quelque part dans sa journée pour qui est prêt à être rempli. Hein? Donc, c'est assez de temps pour accomplir quelque chose d'utile. L'auteur nous décrit ça en termes de finances personnelles. Par exemple, prendre le temps de réduire votre facture en appelant une compagnie de téléphone, peut-être. Tu sais, on le dit souvent, mais appeler une compagnie de téléphone pour dire « Ah... » C'est vraiment cher votre affaire, telle autre compagnie me suggère telle affaire, puis je pourrais passer à l'autre. T'sais, si vous n'êtes pas à contrat, genre, parce que quand vous êtes à contrat, je l'ai essayé, quand vous êtes à contrat et que vous n'êtes pas à la date où vous pouvez potentiellement aller vers une autre compagnie, ils vous envoient promener. Ils veulent absolument rien savoir. Même que le gars m'a dit, gars, tu te rappelleras en février, OK? Mm-hmm. Il m'a dit ça, il m'a vraiment dit ça. Ah, tu te rappelleras en février, parce qu'en février, j'étais dans la fenêtre où je pouvais quitter. Quand vous pouvez quitter, appelez, c'est garanti que vous allez avoir un rabais, c'est sûr. Sur n'importe quoi. Donc, essayez-le. Donc, prenez 15 minutes pour peut-être faire quelque chose comme ça. Appelez votre banque pour contester un frais qui n'était pas nécessaire, peut-être. Mm-hmm. Des affaires comme ça. Appelez partout. Appelez votre carte de crédit et demandez-leur, est-ce que vous avez une carte avec un plus petit taux? Tu sais? Mais oui. Ça se fait, ça. Ben, en fait, ça nous est arrivé cette semaine. On avait reçu deux comptes d'hydro dans la même enveloppe. C'était un peu bizarre. On comprenait pas. Et pour 50... Une autre petite facture comme de 50$, on a vu que c'était pas le même numéro de compte. Oh. Donc, on comprenait pas trop. Mais pourtant, c'était à notre nom. Okay. Et on s'est rendu compte. Finalement, on a appelé. C'était vraiment du gros taponnage. On avait même des frais en souffrance. Alors que je suis allée voir et j'avais vraiment payé la facture. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est plein de trucs compliqués. Et on s'est rendu compte. On payait... pour le propriétaire. Hein? On payait l'eau chaude et la, tout ce que le propriétaire est supposé payer, que tu payes pas même quand tu payes l'électricité. Mm-hmm. Donc, on s'est fait créditer quand même un bon montant parce qu'on avait payé ça. Et je crois que c'est à cause du changement d'adresse d'Hydro-Québec sur le site Internet. En faisant le changement d'adresse, on pouvait pas sélectionner l'appartement. Ah. Donc, après, on avait dû rappeler pour dire c'est l'appartement 1. Peu importe, oui. Et finalement... au lieu de le changer, ils l'ont ajouté. Donc, on payait pour les services de base de l'immeuble et pour l'appartement. Il y a des erreurs comme ça par des humains, des compagnies. Il y a aussi des compagnies qui essaient de vous ajouter des frais sans que vous chialiez, sans que vous vous en rendiez compte. Donc, les deux, il faut les régler, ces problèmes-là. Sinon, c'est vous autres la victime. Ben oui, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Soyez vigilants. Ensuite, ce truc-là, je trouve que c'est du génie. Pour vrai, c'est de changer votre tablette. T'sais, si vous avez une tablette au-dessus dans votre garde-robe, complètement en haut de votre garde-robe, il y a juste une tablette. On met des fois des serviettes, des draps ou peu importe. Là. Changez des votre... Des boîtes. Vidées. C'est mon cas aussi, je te comprends. Mais changez ça en un autre garde-robe, un autre pôle à garde-robe avec un tuyau de PVC. Donc, prenez un tuyau de PVC, du plastique, là, des petits tuyaux là, vraiment minces quand même, et vous vissez ça dans votre tablette. Ça paraît pas, le propriétaire verra même pas ça. C'est pas un bris de votre appartement. Je veux dire, c'est juste de faire des trous. Et vous allez pouvoir mettre vos supports, vos cintres sur le tuyau de PVC. Ça va faire une rangée de plus ou encore dans une place où il n'y aurait pas de garde-robe. Parce que j'avoue que là, les cintres vont se piler un par-dessus l'autre s'il y a deux fois des cintres. Ouais, c'est ça, parce que la tablette n'est pas très haute au-dessus de la peau. Là. Ça dépend vraiment des garde-robes. Ça dépend de votre situation. Mais vous pourriez le faire dans une armoire où il n'y a typiquement pas de place pour mettre des vêtements. Ça serait vraiment une idée géniale. Je trouve ça parfait. C'est pas très, très, très compliqué. Prenez un tuyau de plastique PVC de 3/4 de pouce, vissez ça dans votre tablette, trouvez la bonne hauteur, évidemment, et vous pouvez changer la grosseur du tube de PVC pour améliorer le rendre plus haut ou plus bas. Mm-hmm. Mais bref, c'est quand même simple. C'est ça, vous pouvez mettre des trucs décoratifs sur les côtés, on nous dit de... Moi, je traite pas là-dessus, parce qu'eux, ils font sur une tablette, genre, mettons, je sais pas, dans le salon, peu importe. C'est laid. C'est vraiment laid, tu vois pas ça. Ben Mais non. Sinon, tu peintures, peut-être, tu peux peinturer ton tuyau de PVC, mais c'est placé. Mais t'as quand même ton linge qui traîne. C'est ça, non, c'est pas. Mais en même temps, peut-être que tu pourrais faire sécher ton linge après. Mettons, tu sais, à la place d'avoir un rack à sortir pour faire sécher ton linge chez vous, moi, c'est ce que je fais. J'ai un rack à, mm-hmm. pour suspendre mon linge. Peut-être qu'à la place de faire ça, tu pourrais les mettre sur des cintres et les mettre dans ton. Peut-être ta chambre. Tu sais, une place qui serait moins affreuse que le salon. Mais ouais. pour faire sécher ton linge, puis c'est juste 2 jours par semaine, quelque chose comme ça, ça pourrait aller. À la place de sortir ton rack. Ben, je sais pas, non? Quand on a quelques morceaux à faire sécher absolument sur des supports, ouais. sur des cintres, bon, on le met après le rideau de douche. Ben, pas le rideau, aussi, mais la pôle de douche. La pôle de douche, c'est un très bon endroit aussi, mais bon, des fois, on manque de place, fait que c'est un petit truc comme ça. Ensuite, c'est pour que je les fasse. Vous êtes ouvert, on a parlé dans une chronique récente que tu t'étais ouvert un bar chez vous. On extrapolait, c'est vrai. Ben oui. Mettons, si tu ouvrais un bar chez vous, t'aurais besoin d'un ouvre-bouteille, tu sais, mais t'es trop cheap pour t'acheter un ouvre-bouteille qui va se mettre cloué ou vissé sur un mur comme dans les bars. Ben oui. Trop cheap. À la place, prends-toi un clou. Hein? Un clou, toi. Donc, tu vas juste installer ton clou en pente vers le bas. Ouais. Sur une planche de bois, par exemple. Et ta bouteille va simplement s'accoter sur la planche de bois qui est sur le mur. Et le clou, la tête du clou va prendre après le bouchon et tu vas pouvoir ouvrir ta bouteille. Il faut le faire à l'angle à peu près exact qu'on nous montre dans la petite vidéo qui est sur assemblagerequis.com. À 45 degrés. Environ 45 degrés, ce serait parfait. Donc, tu peux faire ça. Moi, par exemple, tu sais, mettons, c'est pas obligé d'être pour un bar que tu aurais dans ton appartement, mais ça pourrait être, mettons, sur le bord du garage ou quelque chose, tu fais de la construction, des trucs comme ça. Tu as juste une planche de bois que tu accroches au mur, tu mets un clou là. Ça fait viril, ça fait masculin. Ouais. Hein, ouais. Pourquoi pas? C'est dans le garage, dans ton atelier, dans ta cour arrière, peu importe. Je pense que ça fait jaser la visite. Mais non, c'est quoi ça le clou en diagonale de même? Check bien ça, cache-le! C'est un petit peu moins impressionnant que le faire avec ses dents, mais bon. Ouais. Ensuite, soulager la tension qu'il y a dans votre corps en sortant la langue. Ouais. Quand on est stressé, Steph, je t'apprends peut-être quelque chose. En fait, je t'apprends vraiment pas quelque chose. Mais quand tu t'es stressé, t'as les muscles plus tendus. Ben oui. Ton cou, tes épaules, ton dos, tout est serré. Une façon de relâcher la tension des muscles, la tension musculaire, c'est un exercice de sortage de langue. La photo me donne pas envie. La photo a l'air d'un gars qui est en train de s'étouffer plus que d'autres choses. On dirait qu'il veut sortir une saucisse que dans la gorge. Ouais, exact. Les doigts dans la bouche, autour de la gorge. Puis, alors. Bref, donc c'est ça. C'est pour vous relaxer un petit peu. C'est très simple. Devant le miroir, vous relâchez votre... Vous sortez votre langue, hein? Vous relâchez un peu votre mâchoire, votre cou, la tension dans les épaules. Vous placez deux bouts de doigts, hein? deux de vos doigts, mettons index et majeur, dans votre bouche, en dessous de la langue. Et ensuite, vous relâchez doucement. Donc, votre langue devrait se relaxer. Elle ne serait ni convexe ni concave, simplement dans un état mou. Donc, vous allez placer... On va juste répéter pour être sûr de bien comprendre. Vous relâchez les muscles de la langue, de la mâchoire, du cou, des épaules, en plaçant deux doigts dans votre bouche sous la langue. C'est ça que ça dit dans le texte. Hein? Ah. Et vous relâchez tranquillement. D'accord. Parfait. Ensuite, vous placez votre autre main juste en dessous de votre lèvre en formant un V entre votre pouce et votre index et en tirant sur votre mâchoire vers le bas d'environ un demi-pouce. Donc, les deux doigts de ta main droite en dessous de la langue qui pèsent... dans votre bas de bouche. Je le ferais bien, ça ne me tente pas de mettre mes doigts dans ma bouche. Non, mais là, on va se laver les mains avant. Hein? Ouais. Puis la main gauche en V sur votre menton et vous votre mâchoire. Bref, 2 demi-pouces. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir la photo. Oh, oui, pas mal. Et, comme je disais, c'est devant le miroir et en vous observant, vous allez remarquer que votre langue va reculer vers l'arrière. Votre tête, en faisant ces mouvements-là, là, c'est vraiment pour ça qu'on les fait. Là, ça a l'air un petit peu bizarre, mais c'est que ta langue va aller vers l'arrière comme automatiquement, genre naturellement. Votre tête va pencher par en arrière. Votre cou et vos épaules vont se détendre dans le fond. Vous allez faire constamment cet exercice-là. Vous allez vous sentir plus relaxé, avoir plus confiance en vous, nous dit-on. Et vous allez avoir l'air d'avoir plus confiance en vous pour les autres. Ça a l'air étrange. C'est un exercice qu'on va essayer tous ensemble en fin de semaine, peut-être. Pas tous ensemble. Mais je vais l'essayer. Mais et chacun sa propre main sur sa propre langue, sur sa propre bouche. Moi, je mets mes doigts dans ta bouche. Donc, et on suggère évidemment de se laver les mains. Alors, ensuite. Et après. Potentiellement après. Éviter l'anxiété sociale avec la règle du 3 secondes. Hein? Des fois, on pourrait trouver ça difficile. Moi, personnellement, je trouve ça difficile. J'ai fait j'ai pas fait le camp, mais j'étais présent au camp d'improvisation de la Luître lundi et mardi sur 2 soirs pendant comme 3 heures. Et j'avais de la difficulté à approcher les gens. Mm-hmm. Tu sais, lors des pauses, tout ça, tout le monde se regroupe. Les gens parlent, mais moi, j'avais de la difficulté à approcher les gens. Ouais, je comprends. Je me sentais un petit peu, pas tout à fait à ma place par moment. Donc, on est anxieux, on est angoissé, mais bon, ça, c'est ma personne, c'est mon problème. Mais évitez le stress. En prenant la décision d'aller voir la personne à l'intérieur de 3 secondes. Sur le blog Live Your Legend, on donne 32 tuyaux, j'allais dire tuyaux, voilà, pour se présenter à de grands événements. Donc, ça règle du 3 secondes et, si, et là, si t'as de la difficulté à approcher les étrangers. Donc, quand tu vois quelqu'un à qui tu voudrais parler, t'as 3 secondes pour aller voir et dire allô. On se pose pas de questions, c'est t'as 3 secondes. Si t'attends plus longtemps, tu vas surpenser, tu vas trop réfléchir et tu vas gaffer. Tu l'approcheras soit jamais ou tu vas l'approcher puis tu vas être tout à fait mal à l'aise. Donc, si t'es pas sûr quoi dire, c'est pas grave. T'as 3 secondes, tu y vas. Dire n'importe quoi serait mieux que rien selon son conseil. Et donc, tu vas passer d'une personne que personne connaît à une personne qu'au moins une personne connaît dans l'environnement. Et quand tu connais une personne au moins, tu peux peut-être approcher d'autres gens après ça. T'sais. J'ai essayé ce genre de truc-là au camp de la huître avec une personne en lui faisant un petit gag que je suis même pas sûr qu'elle a entendu au départ. Fait que là, on a comme la dit pardon, quoi? T'sais? Puis là, ben, t'sais, on s'est expliqué, puis finalement, ben, on s'est reparlé. Puis finalement, on a fait quelque chose le soir même, puis avec d'autres gens. T'sais. Pour, ben, vrai, ben, ouais. Pour vrai, c'est quand même pas pire. Hein. Faudrait que je fasse ça, moi, ben, de un au gym. Oui. Je connais tous les visages, mais je parle à personne parce que je suis comme trop gênée. Et quand je téléphone, quand j'ai un téléphone c'est à dur. Faire, faudrait juste pas que je me pose des questions, faudrait que je le prenne, je compose et après je serais comme « Oh mon Dieu, trop tard, ça sonne! » 3 secondes, t'as 3 secondes. Pour composer. Pour composer. Une fois que j'ai commencé, je continue, tu sais. Ouais. Fait que faut juste que je commence à composer. Puis hier, je suis fière de moi, j'ai fait plein de téléphones. On dirait que j'ai fait comme si je partais en vacances, j'ai fait une grosse liste, je passais à travers. Mais après, je me sentais tellement bien. Ben oui, le sentiment du travail accompli. Même si ça n'a pas été long à faire, c'est juste de, je dois prendre le temps de le faire et après, regarder la télé, ben, tu te sens moins mal. Exact. Faites ça avec des personnes que vous avez peut-être toujours voulu rencontrer. C'est quelqu'un que vous voyez depuis longtemps. Faites ça, pour vrai, ça vaut la peine. Juste, comme je disais, au camp de recrutement, je me suis fait comme 4 connaissances pour l'instant, mais 4 ou 5 personnes que je connais maintenant puis qu'on a fait des trucs ensemble puis qu'on a jasé. C'est cool, tu sais. Je les connaissais pas avant du tout. Bon. Et dans des situations comme ça, ça peut finir en couple. Ça peut finir en couple. 3 secondes, tu parlais à quelqu'un, ben ça peut être le petit courage qui te manque pour parler à quelqu'un qui pourrait t'intéresser. C'est très bien dit. J'adore ça. On va en faire une couple de derniers. Tu me diras quand t'es satisfaite, OK? Tu me diras celui sur lequel ça finit bien. Une des choses les plus ridicules, les plus plates dans la vie, c'est une table qui gigote. C'est une table qui n'est pas fixe, qui n'est pas stable. Oui. Elle gigote. Je pense que c'est le mot, elle gigote. It's gigoting. It's gigoting. Yeah. Donc, une formule mathématique qui nous dit que la cause de ça est évidemment le fait que le plancher n'est pas droit. C'est souvent le fait que le plancher n'est pas droit. C'est pas une question de table avec des pattes de différentes grandeurs. Je pense qu'on est capable de faire des tables qui sont pas mal à niveau, d'habitude, les compagnies. Donc, les mathématiques prouvent que si tu fais une rotation de la table, les jambes vont finir par trouver un endroit à l'intérieur d'un quart de rotation. Mathématiquement parlant, il y a une petite vidéo qui vous l'explique. J'irai pas dans les détails parce que je comprendrai rien. Puis quand j'explique quelque chose que je comprends rien, à la date, ça finit par personne comprend rien. Donc, je le ferai pas. Donc, à la place de trouver un sous-verre, un morceau de papier, un morceau de truc de parce que le papier, il écrase de toute façon et il y a un maximum de pliage que tu peux faire avec une feuille. C'est ce que je sais chez nous présentement. C'est une boîte de craquelin plié. En dessous d'une de mes. Mais t'essaieras de la tourner, voir ta table. Peut-être, mais moi, c'est des roulettes, et elle est brisée. C'est la roulette qui est brisée. Mais mon Dieu, t'es capable de la tourner pareil. En tout cas, bref, le mathématicien Matthias Crack de l'Université de Bonn nous explique, explique à Numberphile, que c'est facile de réparer votre table jiggoting à 4 pattes. Évidemment, c'est plus difficile pour les tables avec un centre rond, comme on a des fois à la chasse-galerie. Le rond, Colin. C'est un rond, hein, tu sais. Fait que ça marchera pas, ce truc-là. C'est souvent causé par un sol, comme on l'a dit, qui n'était pas droit. C'est possible qu'il y a des endroits, des sweet spots, des places où les 4 pattes de la table vont toucher au sol en même temps quand tu vas tourner la table à l'intérieur d'un quart de rotation. Donc, n'oubliez pas cette technique-là. Essayez-la. Bref, c'est ça qui est ça. Je suis en train de regarder la vidéo et je comprends absolument rien. Ben voilà! C'est pour ça qu'on la regarde pas. En fait, je n'avais pas regardé à la base. Je me suis dit, c'est sûr que c'est des mathématiques que je comprends. Ah oui, c'est horrible. Allons-y avec une guitare acoustique. Comment sortir son pic de guitare quand il tombe dans le trou de la guitare? Tu brasses la tête en bas. Tu brasses la tête en bas et ça te prend combien de temps à faire ça? 10, 15 minutes? Non, 3-4 minutes. 3-4? Complète, quand même. Complète. OK, des grosses minutes. Là. Donc, on va regarder encore une fois cette petite vidéo-là qui est via Lifehacker. Tu es en train de jouer la guitare, ton pic tombe à l'intérieur, prends un crayon plomb. Non seulement pour écrire des paroles super cheesy sur une belle petite chanson d'amour, mais aussi pour sortir ton pic. Tu vas utiliser le bout efface à la fin pour piner le pic au fond de la guitare, juste en dessous du trou. Donc, ta guitare va être à plat. Tu vas prendre l'efface de ton crayon pour guider le pic vers le trou. Okay? Une fois qu'il est piné contre le mur, tu peux juste retourner ta guitare pour que le trou soit en bas. Tu comprends? Là, tu tiens ton crayon sur le pic, tu vires ta guitare, tu lâches ton crayon, boum, le pic est sorti, le tour est joué. Là. On s'entend que c'est parfait comme truc. Ben oui! Très bon truc. Ensuite, on a des vraiment pertinents, je trouve, aujourd'hui, des trucs quand même. La position de sommeil parfaite, je pense qu'on va terminer là-dessus, quoi qu'il arrive. Le sommeil que vous avez à tous les soirs est très important, mais ce qui est encore plus important, c'est que le sommeil que vous recevez soit du bon sommeil. Donc, si vous avez mal au dos, des douleurs à digestion, diarrhée comme dans la pub de Pepto-Bismol, que vous ronfliez, peu importe. Il y a un petit graphique du Wall Street Journal qui nous donne quelques troubles communs et des façons de les ajuster. Donc, si vous avez des reflux d'acidité, etc., on va les regarder très rapidement là, parce que le temps file. Si vous avez mal aux épaules, évitez de dormir sur le côté avec l'épaule qui fait mal vers le lit. Dormez sur votre dos. Moi, je suis pas capable du tout, mais zéro, j'ai essayé 1000 fois. Mais si vous dormez de l'autre côté, placez un gros oreiller à la hauteur de la poitrine et mettez votre bras dessus. C'est comme si vous serriez une autre personne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vas mettre l'oreiller dans le coin ici, genre de tes bras, dans le coude. Tu vas dormir comme si tu serrais la personne. Ça va calmer. Mais moi, je suis pas capable de dormir le bras plié à l'intérieur. Okay. Il faut qu'il soit à l'extérieur. Contrat donc, le coude vers le haut. OK, mais donc tu vas devoir peut-être soit t'acclimater ou soit simplement dormir sur le dos si t'es capable. Si vous avez mal au cou, essayez de dormir, donc essayez de garder le cou dans une position neutre. Évitez de dormir sur l'estomac, si on le recommande toujours de ne pas dormir sur l'estomac. Trop d'oreillers vont mettre ton cou dans une position inconfortable. Mm-hmm. Et il faut garder l'oreiller au-dessus des épaules. Il y a des experts qui suggèrent une serviette à main roulée pour supporter le cou. Si vous n'avez pas un oreiller orthopédique à 100$, genre. Un oreiller avec une serviette roulée. Il y en a plein d'autres, pour vrai, j'aurais envie de continuer, mais je pense qu'on serait mieux d'arrêter éventuellement. Il y en a, entre autres, pour le ronflement, l'apnée du sommeil, les maux de dos, le reflux d'acidité. Donc ça, c'est vraiment de soulever la tête de votre lit avec quelque chose en dessous des pattes pour que le mouvement se fasse dans votre corps. Et la fascite plantaire, rapidement, c'est de ne pas mettre vos pieds dans la couverture. C'est de laisser le tout lousse. T'sais, on a tendance à vouloir mettre nos pieds dans la couverture, faire une petite enveloppe à la fin de nos pieds. T'es-tu fou? Moi, je fais ça. Il va y avoir des monstres qui vont sortir si je me sors les pieds de là. Ben, enjoy ta facette plantaire, dude. Mais j'en ai pas. Tant mieux, hein? Ça règle le problème, ça! Là qui règle notre problème. Voilà pour les instructions d'assemblage. Au retour, c'est la chronique Le Poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Ça s'en vient dans un instant. Et plus tard, restez là pour l'émission Deux filles, deux cils, une émission. Ça s'en vient à 9h30. Mais pour l'instant, l'assemblage requis continue pour une dernière petite vingtaine de minutes. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et maintenant, c'est le moment d'écouter un nouvel album sorti fraîchement de la discothèque de C'est fou dans le poste d'écoute d'Assemblage requis. Bienvenue au poste d'écoute, la chronique qui vous sort des bons albums dans les nouveaux arrivages de C'est fou. Aujourd'hui, je crois que tu connais l'artiste. Oui, un peu, mais pas beaucoup. Ouais, c'est quoi? Prononce-moi-le. Rich Aucoin, Rich Aucoin. Donc, Rich Aucoin, Rich Aucoin. Moi, je trouve ça beau, Aucoin, je trouve que ça sonne vrai. Aucoin. Qui vient de sortir tout récemment, en 2014, son nouvel album Ephemeral. Donc, quel genre de musique est-ce que c'est? En fait, selon lui, selon la page Facebook, ce serait du Motivational Crowd Karaoke. Mais on pourrait plutôt dire que c'est indie pop rock. Pas plus, ouais. Ouais, hein, que du... Ouais, c'est ça, c'est très drôle. En fait, dans la formation, bien sûr, on a Rich Aucoin, on a aussi Joel Waddell, Eric Van Loonen et Daryl Smith. Il est originaire de Halifax. Halifax en Nouvelle-Écosse, bien sûr. Pas en Nouvelle-Zélande. Non. Et est actif dans le monde musical depuis 2006. Il est le jeune frère de Paul O'Quinn, de la formation Illozoïste. Ah oui! Okay. Est-ce que tu connais? Je connais un peu Illozoïste. C'était une des intros qu'on utilisait pour la chronique littérature de Marie-Pierre Laforge-Bourret. C'était du Illozoïste. Oh, ça. Intéressant! Et il a collaboré à quelques reprises avec la formation comme artiste invité. Il a aussi enregistré je crois qu'il a enregistré un album avec eux. Je pourrais pas dire c'est lequel. J'ai pas trouvé l'information, en fait. Okay. C'était très, très vague. Mais moi, je serais déjà prête pour aller entendre une première pièce. Pièce-te? Hein? On va-tu écouter une petite pièce? C'est Want to Believe. Dans le poste d'écoute. Rich O'Quinn. Poste d'écoute. Sorry. De... Ben, excuse-toi pas, c'était bon, hein, tabarnouche. De Rich O'Quinn, de son nouvel album Ephemeral. T'aimais ça? J'ai adoré ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et on a ouvert le bloc avec Want to Believe. Veux-tu que je te renseigne un petit peu sur Rich O'Quinn, qui était dans le palmarès en 2011? Oui. C'était à la fin de l'année, en novembre 2011, sa pièce Hit, qui était sur l'album We're All Dying to Live. Exact. Oui, son premier maxi qui est sorti en 2007, Personal Publication. Et ensuite, en 2010, son second maxi qui était Public Publication. Et finalement, son premier album complet qui était We're All Dying to Live en 2011. Ah, tu dis Public Publication? Public Publication? Ouais. C'est génial comme nom. C'est son, second maxi. Super. Et si vous avez vraiment aimé ça autant que nous, sachez que le 2 octobre prochain sera en spectacle à Ottawa. Oh, cool. C'est dans les plus proches qu'on a. C'est 19 ans et plus. Je suis ça comme ça. Alcool fourni, peut-être. Probablement. Et le lendemain, le 3 octobre, à Kingston, toujours en Ontario. Je pense que ça vaut la peine. Hey, à Ottawa, là, le billet il est 12$. Wow! 12$! Aïe, aïe. C'est vraiment pas cher, là, je m'excuse, là, mais... Sauf pour un étudiant. Je sais pas, je me rappelle encore de Laurent qui disait 12$, c'est trop cher pour une revue. Je ouais, le comprends, c'est cher pour une revue. Mais pour un show, c'est ça. Mais c'est sûr, faut que tu payes l'essence, puis que ça revient peut-être le prix d'un show normal. Voilà. Donc, ça vaut la peine peut-être d'y aller. Hein, on se cotise, on convoiture. Ben oui, ben oui, ben. Écoute, on retourne en musique, c'est trop bon, on veut pas m'entendre plus longtemps. Et on s'en va entendre déjà une troisième pièce, Are You Experiencing? Tout de suite, de Rich O'Quinn. On passe d'écoute. Ça, c'est fou. On vient, puis on s'entrecoupe nos phrases. Ouais, mais là, ça va être bon. Vous êtes toujours au poste d'écoute, accompagné de Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. On vient tout juste d'entendre Four More Years de Rich O'Quinn, tiré de l'album Ephemeral qui vient tout juste de sortir. Et on a ouvert ce petit bloc de deux pièces avec Are You Experiencing? C'était-tu bon? Ah, c'est fantastique. J'adore ça. C'est magnifique, je dirais même. Magnifique. Ah, j'adore ça. Ouais. Vraiment, c'était difficile de choisir les pièces. Sont toutes bonnes. On les met les 4 sur le palmarès en position 20, 19, 18 et 17 la semaine prochaine, puis on ben les laisse se battre. 1, 2, 3, 4. Direct. OK. C'est tout? Ben oui, c'est oui bien. C'est tout. Ça finit comme ça, la chronique. On fait le poste d'écoute aux deux semaines, les jeudis à 9h en fin d'émission. Merci, non, Stéphanie. Non, à toutes les semaines. J'ai-tu dit aux deux semaines? Ouais. À toutes les semaines, les jeudis à 9h en fin d'émission. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci. Mais nous, malheureusement, ça va être la fin de la semaine d'assemblage requis. Ah, oh, déjà? Oh mon Dieu, la semaine au complet qui est finie! Mais on est de retour lundi, entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Ah, oh, fiu! Ça va être bon lundi, ça va être super bon, ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Restez sur nos ondes, évidemment, dans quelques instants, à 9h30, c'est deux filles, deux styles, une émission. 2-2-1! 2-2-1! 2-2-1! OK, ça va faire. Non, non, mais je n'en parle pas, là. Ça va pas là-dedans. Non, non. C'est ça. À 11h, le Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, une toute nouvelle émission, Créateur de son, c'est une série documentaire. Oh. On diffuse ça à partir d'aujourd'hui à 13h. Ensuite, à 15h, suivra À livre ouvert, émission de littérature avec Félix-Antoine Désilet-Rousseau, Camille Durand-Plourde. Et c'est, encore une fois, seulement deux personnes. Ensuite, à 16h, rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante que j'animais mardi. Et finalement, à 19h, 13e étage et Radio Sonic, cifou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci Steph. Merci Mathieu. Merci à Laurent Constantin. Oui. Et à lundi, on se quitte avec Propofol et la pièce Fibre Optique.